Bonjour à tous, donc nous sommes au mois de janvier 2011 pour le numéro 4 du BGS. Donc en face de moi, dans le coin droit, nous avons 2m10 de muscles et de velouté, le grand spaghetti du catch, Monsieur Chauve. Bonjour Monsieur Chauve. Le crépuscule m'envahit et bientôt la nuit va tomber. Ainsi vont les choses, ainsi va la force. Dans le coin gauche, nous avons 110 kg de masse musculaire imposante et impressionnante pour 1m60 de talent. Attends, moi je fais combien ? Je ne sais pas, 2m10 et je ne sais plus combien de kilos. Celui, il est quand même deux fois plus gros que moi. Nous avons donc Monsieur Supermorph. Oh là là, ça y est, le lapsus. Vous êtes les. Monsieur Stetson. Bonjour. Et alors donc, j'ai vendu la mèche, nous avons un invité ici, dans le coin. Quel coin est-ce qu'il y a par le droit et le gauche ? Le coin du milieu. Le coin du milieu, voilà. Nord-ouest. Le coin nord-ouest, voilà, l'arbitre de ce match. On peut le dire aussi, hein, un bel âtre, un vrai Apollon, hein, 80 kilos, que du muscle, hein, environ quoi, 1m90 pour 80 kilos, quelque chose comme ça, la bonne tape, hein, des abdos impressionnants, hein, des pectoraux en acier, une musculature de rêve, un corps d'Apollon, Monsieur Supermorphal, bonjour. Salut. Je crois que Chauve est impressionné là. Je crois que Madame Morphal aussi est très impressionnée. Oui, parce qu'on a des femmes aujourd'hui. Parce qu'on a des femmes. Ça porte malheur d'ailleurs. De quoi ? Les femmes, c'est caca, ça porte malheur. Faut pas respirer les femmes. Pas respirer les femmes, ça porte malheur. Excusez-nous. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Donc, Monsieur Chauve va commencer par un petit sujet sur. Ta mère ? Non. Ça, c'est une vanne déjà épurée. Bon. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait. Non, tu vas nous parler de bouquins de zombies. Oui, voilà, un peu de littérature pour changer. Pour changer, pour faire ton culturé, ton intelligence. My God. Ouais. Bon, ensuite, j'embrayerai sur un débat alors sur les consoles de jeux. Et entre les coups, j'essaierai de lancer quelques blagues pédophiles si l'occasion se présente. Mais je suis prêt. Oui. Bon, pour expliquer un petit peu, on a dit aujourd'hui, on a dit à Chauve, pas de blagues pédophiles, juste des blagues racistes. Donc s'il y a la moindre blague pédophile qui sort, tu auras droit à un gros bip de censure. Et ouais, c'est comme ça. Les auditeurs n'aiment pas les blagues pédophiles. Bah si. Enfin, moi, si je suis auditeur de quelque chose, j'aime bien la blague pédophile. En même temps, quand tu dis qu'il aime la pédophilie, c'est un peu bizarre. J'aime pas la pédophilie, j'aime bien les blagues pédophiles. C'est pas la même chose. Mais je crois qu'il aime les deux personnes. Enfin, on va pas entrer dans le débat pour ce soir. Ensuite, nous aurons Stetson qui nous a préparé un petit blind test pour ne pas changer à une tradition. Il faudrait quand même un jour penser à faire un petit questionnaire, hein, ça pourrait être marrant. Je crois que le prochain numéro, je fais un quiz. À mon avis, on sera trois d'ailleurs. Et puis après tout ça, on passera à la rubrique habituelle en vrac. N'est-ce pas, où Monsieur Morphal, qui a faim, je vois. Et tu n'es pas prêt de manger, mon ami. Hein. Il y a encore 2 heures d'enregistrement avant de manger. 2 heures ? Au minimum. Vous demandez combien de temps ça dure, ça dure 2 heures. Voilà, au minimum. On fait des pauses, hein, parce que moi, il faut que je fume une clope. C'est 2 heures quand on se tient à l'enregistrement normal. Voilà, ouais, carreau si tu veux. Bon, ben donc on va entrer dans le vif du sujet tout de suite alors, puisque monsieur a faim. On va directement passer à la rubrique de monsieur Chauve alors. Parfait. C'est parti, monsieur Chauve. Vide ton esprit de ces questions. Monsieur Chauve, c'est à vous de nous parler de morts-vivants, de zombies, de sang, de chair, de... Et de sexe. Et de sexe, oui. De sexe avec des zombies ? Oui. Tout à fait. D'accord. Donc pour une fois n'est pas coutume, on va faire un peu de littérature. Donc au cours de mes pérégrinations, quoi. Je sais pas pourquoi, mais il y a personne qui a l'air de te croire. Bah bien sûr. Je crois qu'on n'a jamais enregistré de la littérature dans le BGS en fait. Je crois que c'est jamais arrivé. Ah bah, c'est ce que je dis, une fois n'est pas coutume. Ah, j'ai mal compris ta phrase, excuse-moi. Je m'avoue vaincu, vas-y, parle. Mm-hmm. Parle, je suis tout ouïe. Ça m'a perturbé du coup. Donc oui, bah, récemment je suis tombé sur un petit bouquin que je ne connaissais point. Enfin, je connaissais l'auteur, mais pas le reste. Donc ça s'appelle World War Z. C'est à toi, tu peux nous le faire avec l'accent. Non, j'ai pas envie, parce que tu t'es déjà moqué quand on en a déjà parlé. Non, c'était sur le... Oui, mais on avait aussi parlé de celui-là. D'accord. Bon. Ça s'appelle World War Z. Pas, voilà. Qui est un bouquin de Max Brooks, qui est le fils donc illégitime de Carlos et de Dalida. Je suis pas convaincu. C'est le fils de qui? De Mel Brooks. Ah voilà. Et c'est qui Mel Brooks? C'est un réalisateur, scénariste, acteur. Pas de grand talent, ça dépend du point de vue, mais pour ma part, de grand talent. Oui, ça dépend du film. Oui. La plupart, moi. Voilà. Donc, bon. Donc, l'homme en question était déjà auteur du guide de survie en territoire zombie. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Je crois qu'on en a parlé dans le monde ici, ouais. C'est possible. Donc, c'était un genre de manuel de geek. C'était très geek, en fait, comme bouquin, finalement. C'est un manuel pour survivre en cas d'attaque zombie. Donc, il y a que les geeks qui peuvent croire à une attaque zombie, je pense. Ouais, ben voilà, c'est geek. Ou les paranoïaques. Ou le paranoïaque, oui. Parfois, ça revient au même. Hein. Soit. Soit. Embryon. Donc, c'était essentiellement pour les geeks et les amateurs de films de zombies. Et qui, sur base de toute la culture zombiesque, cinématographique existante, qui reprenait toutes les choses à faire et à ne pas faire en cas d'épidémie zombie et d'attaque généralisée. Donc, en vrac, il y avait des généralités... sur les zombies, les armes à utiliser, à ne pas utiliser, les lieux où foutre le camp pour se planquer, les façons de se déplacer en gros. Mais ça peut être très utile. Bah, c'est marrant à lire, c'est marrant à lire. Mais même quand il n'y a pas d'attaque zombie, hein, contre d'autres attaques, ça peut être... L'attaque de quoi? De gros Stetson? Non, c'est rien. Oui, voilà, des Stetson velus sauvages qui ont la rage, par exemple. Bah, Stetson, quoi. Voilà. Je t'emmerde. Non, enfin, bref. Donc, mais c'est pas de celui-là que je voulais parler. Mais toute cette présentation pour te dire qu'il voulait pas parler de ça. Bah, c'était pour faire une introduction, bande de connards. Non, mais ça va, je le respecte. Hein. Nous respectons. Enfin bon, le guide de survie en territoire zombie était sorti quelques années avant, mais en. Juste une question. En francophonie, ils sont sortis exactement à la même date, oui. Juste une question aux gens ici autour de la table. Qui a lu le guide de survie en territoire zombie? Moi. Morphal. C'est dans les projets. C'est dans les. À lire. C'est une des bonnes résolutions de 2011. Je viens de le ramener, donc tu vas pouvoir l'emprunter. Donc voilà. Et Stetson? Non, je ne l'ai pas lu. Mais il faudrait aussi que je le lise. Voilà. Stetson, il ne sait pas lire. Ah, exactement. C'est beau l'amour. Bon. Alors, moi je l'ai lu aussi, oui, pour information. Je l'ai lu. Très bon. D'ailleurs, c'est de toi que je l'ai chopé. Voilà, c'est de moi que tout le monde va le choper, je pense. Non, mais je l'ai vu aussi en poche, donc je pense que je ferai l'investissement de 6-7 euros, 27-4, histoire de juste de l'avoir. Oui, mais j'avoue que l'objet, il est beau, je trouve qu'il a... Mais moi, dans ma bibliothèque, ça me casse les couilles, je veux que des poches, sinon je dois ranger mes étagères. Et je le comprends tout à fait, oui. Bon, donc je mets tous des formats poches. Différents, voilà. Ouais, effectivement. Donc, manque des poches, et il est disponible. Il est déjà disponible? Moi, je l'ai vu, moi. Oui, à la FNAC, c'est 7,40€. À côté de l'autre, quoi. Ouais, quelque chose dans cet ordre de prix-là. Non, mais celui-là dit 7,40€, c'est que c'est 7,40€ à mon avis. J'ai pas regardé les centimes, mais bon. Enfin voilà, j'en étais où du coup avant que tu m'interromps? Tu allais passer à l'autre. Oui, donc voilà le nouveau, enfin qui est pas vraiment nouveau en français vu qu'ils sont sortis à la même date, mais il a été écrit quelques années après. Il s'appelle World War Z, donc je fais un peu le pitch. Oh oui, le pitch moi. Donc l'histoire commence quelques années après qu'une épidémie d'énorme ampleur a éclaté. Et que des millions de zombies dégueulasses ont déferlé sur le monde. Alors il y a eu une guerre, l'espèce humaine a fini par triompher difficilement, et ils ont gagné ce qu'ils appellent la Zième guerre mondiale, très poétique. Zième, oui, c'est très... Oui. Ou plus généralement la guerre des zombies, mais ils se sont quand même fait bouffer par quelques centaines de millions. Donc il n'y a plus grand monde qui reste. Alors le monde se réorganise lentement, il y a des nouveaux états, et la chasse aux quelques milliers de morts vivants qui restent... continue. Ah, parce qu'ils ont gagné, mais il y a encore des zombies quand même. Bah, ouais, toujours un peu, ne fût-ce que dans les... Attends, ça salpette là. Dans les fonds des, dans le fond des mers, ou des zombies gelés par le par l'hiver, enfin ouais, il y en a partout. Donc l'auteur travaille pour la CPTNU, la Commission Post-Traumatique des Nations Unies, et il est chargé de parcourir le monde afin de compiler des infos et des données concernant l'apparition des zombies dans, dans différentes zones du globe et dont la, la façon dont l'épidémie se propageait et les moyens déployés pour, par les différentes populations pour survivre, ceci afin de laisser à leur, aux générations futures des infos utiles au cas où il y aurait encore des zombies. Alors, l'auteur explique dans son intro que son rapport est jugé trop humain, trop personnel par sa directrice. Donc, il décide de le publier sous la forme d'un livre qui reprend essentiellement, exclusivement des interviews qu'il a menées aux quatre coins du monde avec différents acteurs de la guerre, qu'ils soient confidentiels, enfin, anonymes le plus souvent. Enfin, pas anonyme, mais pas connu. Et parfois... pas anonyme, pas connu. Ben non, mais anonyme dans le sens... Mais non, je vois ce que tu veux dire. C'est des clampins, quoi. Tout le monde s'en fout. Ou parfois c'est connu parce qu'il y a... Oui, des badauds, voilà. Des manos. Il y a aussi des personnages assez connus. Il y a le vice-président américain. Donc, il divise son livre en plusieurs chapitres. Donc, chaque chapitre concerne une période de la guerre. Donc, il y a l'apparition des premiers symptômes qui recueille des témoignages de plusieurs personnes à travers le monde à propos de la façon dont ça a commencé. Il y a un chapitre sur le début de l'épidémie, sur l'ignorance. Ah, il commence quand même en racontant la guerre en elle-même. Non, mais c'est que des... Ça, c'est raconté, mais par le biais d'interviews. Il n'y a que des interviews... Ah oui, c'est comme si... Oui, il se situe à l'époque d'après-guerre, et il interviewe des gens qui l'ont vécu, et qui oui, racontent. Voilà, d'accord. Ouais. Donc après, oui, il y a un chapitre sur, sur le début des épidémies, sur le refus des gens de voir la réalité en face, etc. Il y a un autre chapitre sur, la, sur les premières grandes vagues d'attaques avec les, le, la chute de plusieurs villes importantes liées à ça. Il y a le retournement de situation avec les premières victoires humaines, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à la victoire finale. Enfin, plus ou moins, quoi. Ouais. Donc voilà. On n'est jamais débarrassé des zombies. Jamais. C'est des sales bêtes. Il y en a partout. Voilà. Partout. Donc voilà, voilà. Donc... j'ai lu ça il y a quelques semaines déjà, donc je ne me rappelle plus exactement tout. Mais ce que j'en ai retenu, c'est que c'était assez... Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le principe... Enfin, je sais pas si c'était les autres marrant. Rigolent pour la même chose, mais c'est le principe de présenter quelque chose, une œuvre. Mais non, mais je me aussi rappelle plus précisément, et de dire après qu'on ne s'en rappelle plus. Mais si, je m'en rappelle, mais je me rappelle pas des détails. Je ne vais pas me la retaper hier soir pour vous la ressortir comme ça. Donc, enfin bref. Non, ben, ouais. Non, mais je m'en rappelle vu que j'ai fait des plus et des moins. C'est bien. Ah, t'as fait des plus et des moins. Ah, bah, évidemment, j'avais pas. J'ai justement te demandé ce que t'en pensais, donc. Voilà. Ouais, un peu d'interactivité, bordel. Donc. Chacun son tour, hein. Après le sujet à Leslie Nielsen où j'ai pataugé tout seul. Moi, ça sera vachement plus court, quoi. Leslie Nielsen, ça tire en longue. Donc, ouais, bah, j'ai trouvé ça assez sympathique, comme le, tout comme son prédécesseur, quoi, le guide de survie. Facile à lire vu sa structure puisque c'est que des interviews qui ne durent que quelques pages, enfin parfois c'est 3 pages, parfois c'est 15, mais déjà en général, dans, le, ça, c'est, dans le guide de survie il avait déjà ouais, c'est fait des petits chapitres, c'est pas des interviews mais c'est des, voilà, des petits chapitres découpés ouais, ouais. Sur donc on peut le prendre 10 minutes si on n'a rien à glander et puis aux toilettes par exemple. Oui, voilà. On aura de prédilection pour lire. Oui, on peut lire aux toilettes. Je me sens visé bizarrement. Non mais lui pas. Il le fait sans arrêt, mais lui aussi il s'aménage des toilettes exprès. Ah oui. Nous y reviendrons une autre fois. Donc du coup on peut le prendre 10 minutes si on s'emmerde et le reposer et recommencer après sans perdre le fil. Mais malgré tout c'est assez prenant vu la structure puisque ça part des prémices jusqu'à la toute fin. Et on a envie de savoir de lire la suite, quoi. Donc moi je pense que je l'ai lu en deux soirées, un truc comme ça. Oui, il y a une suite qui est prévue. Non mais la suite. Ah, l'histoire, quoi. T'as envie de savoir comment ça se passe, même si tu sais qu'ils ont fini par gagner. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était totalement geek aussi. Ça, les zombies en même temps. Mais c'était assumé. Oh, les zombies, ça. C'est à la mode maintenant. Ça, plus pour. Ça a toujours plus ou moins été à la mode. Non, c'est beaucoup plus à la mode maintenant. C'est maintenant. Les séries et tout depuis un certain temps, parce qu'avant, les vampires étaient revenus en force. Voilà. D'ailleurs, les vampires, c'est tous des tapettes maintenant. Malheureusement. C'est des ados prépubères. Voilà. Voilà. À part dans certaines rares bonnes séries ou dans certains rares bons films. True Blood, par exemple, moi j'aime bien. Mais sinon, c'est vrai que c'était devenu les vampires scintillants au soleil. Et qui, quand il est mort dans le coin, du coup, il est juste de petites marques rouges, toutes discrètes. Il n'y a même pas du sang qui coule. Oh, comme c'est mignon. C'est même sensuel. C'est des vampires. C'est des tapettes. Oui, des tapettes. Voilà. Non, les zombies, les vrais, monsieur. Les zombies qu'on bourrine. Les zombies qui mangent de la chair. Oui. Voilà, les. Et pas les zombies qui courent non plus. Hein. C'est des infectés, c'est pas des zombies. Pas les infectés, juste les zombies. Moi, j'aime bien les infectés, c'est plus marrant. Enfin, ouais, ça dépend. Ça dépend dans quoi c'est traité. Ça quoi. Dépend, bref. Disons que les infectés, ça te fait faire dans ton froc, quoi. Alors que les zombies, autres, ils disent, bon, attends, pour le temps. Oui, voilà. Tu peux les regarder venir et viens, petit, tu peux jouer avec, quoi. Le problème, c'est que t'es toujours submergé par le nombre à un moment, parce que ils viennent en meute et quand ils sentent de la chair fraîche. On sent l'expérience. Ouais. Ben, j'ai beaucoup combattu les zombies dans mon jeune temps. Okay. N'oublie pas où j'habite là maintenant. Hein. Il y a des loups, il y a des zombies, il y a tout ça. Ouais, c'était juste les loups et les ours. Mais... Je suis dans le trou du monde. Et les paysans assez hargneux. Et les paysans, fourches. Oui, effectivement, avec des fourches. Non, mais non. Je me suis pas fait attaquer en arrivant ici. En même temps, il s'éclaire quand j'arrivais. Mais une fois la nuit tombée, je m'aventurerai pas. Tu n'as pas entendu le loup crier Pas encore. Mais il fait noir. Il fait noir. Ouais, il fait bleu foncé. Voilà, donc bref, pour revenir un peu au sujet quand même, se recentrer un tout petit peu. Ouais. Un livre que tu recommandes. Ouais, attends, j'ai pas fini. Ah. Je n'ai même pas fini mes plus. Mais je trouvais ça assez étoffé, hein, assez documenté, même si c'est totalement bidon. Une fois qu'il est lancé. Oui, voilà. Et que la galerie de personnages était assez vaste, donc tu avais plein de points de vue, donc par exemple de la première ligne avec des soldats qui ont combattu ou des survivants. Ou alors des trucs beaucoup plus vastes, par exemple avec des représentants politiques d'État. Qu'est-ce que vous faites des gestes là, bordel? Ça me déconcentre. Désolé, mais Monsieur Stetson et Monsieur Morphal font je ne sais pas quoi d'ailleurs. Rien. Ils ont l'air très préoccupés par quelque chose sur leur écran. J'ai pensé aux auditeurs qui sont intéressés par le roman. Ce livre en fait fait penser à un film de série B qui est sorti l'année passée, je pense, l'année d'avant. Qui était Diary of the Dead. C'était pas vraiment une série. C'était pas une série B. Non, c'était pas série B. C'était Romero, donc c'est pas une série B. Ouais, il était quand même pourri. Hein. Oui, il était pourri. Mais... C'est Romero. Donc, c'est Romero aussi. Romero, non, il était pourri. Qui reprenait un petit peu des journalistes qui essayaient de suivre. Des étudiants qui faisaient. Oui, t'es pourri. Un reportage. Il y a même des zombies plus ou moins intelligents. Oui, mais... Le problème avec Romero, c'est que t'as à boire et à manger, il essaie de se renouveler en faisant parfois des choses un petit peu... de sortir un peu du contexte du zombie, et c'est pas toujours très réussi. Par contre, je sais pas si vous avez vu Death Snow. J'ai commencé à regarder, je n'ai pas eu l'occasion de pour le terminer. Tu connais ? Ouais, je connais, mais je l'ai pas vu. C'est lequel qu'on avait été voir, nous, au cinéma ? C'est celui d'après de Romero, mais je sais plus. Je sais plus le titre, mais il était pas exceptionnel. Tu connais pas Death Note, hein ? Si, je connais deux noms, mais j'ai jamais regardé. Hein. Le pitch, c'est zombies nazis, quoi. Zombies nazis qui sont revenus à la vie. En Suède ou en Norvège. Ou alors la revanche des zombies par 12 heures, quoi, pour rester dans le thème. Vous connaissez la revanche des zombies par 12 heures ? Non. Si, moi, oui. Mais si, ça me dit quelque chose. C'est une bande-annonce qui a circulé il y a temps sur Internet. On vous montrera après. Cherchez sur Google la revanche des zombies par 12 heures, ça vaut le coup d'œil. Bon, sur ce, il y a quelques points négatifs quand même sur ce bouquin. C'est que c'est quand même un peu trop long, parce que ça fait en format de poche, ça fait quand même plus de 500 pages. 535, un truc comme ça, je pense. Quand même. Donc, ouais, voilà. Donc, quand je t'ai dit que je l'ai lu en deux soirs, c'est que c'était assez prenant. Et que c'est... De gros soir. Il a commencé à lire à 6h du soir, il a terminé à 5h30 du matin. Je sais plus, mais oui, la notion de soirée, ça dépend un ça peu. Dépend, ça dépend d'une personne à l'autre. Oui. Chez lui, la soirée, elle commence à 10h30, elle finit. En gros, ouais. Quand il en a marre de lire. Et un autre point négatif, c'est qu'il y a de nombreux personnages, mais il y en a sans doute un peu trop. Et ils sont assez inégaux dans la qualité de. La qualité des histoires entre elles est assez inégale. Il y en a des pourris, il y en a qui sont vraiment très bien, il y en a plus de bien que de pourris. Mais il y a des témoignages, donc des interviews assez chiantes, et l'auteur exagère parfois un peu dans la caricature. Par exemple, il y a un passage où il interviewe un gros nerd, enfin plutôt un gros geek japonais. Attention à la distinction entre nerd, no life, geek. Ouais, bah, c'est un plutôt no life, quoi. Un chrono life japonais. D'ailleurs, petite interlude, si vous permettez, petite interlude, vous qui avez vu tous Walking Dead, quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi, quand il parle des zombies, comment ça s'appelle, les éclaireurs, non, pas partout, ouais, ils disent geek. Ils utilisent le terme geek pour les zombies en avant pour les éclaireurs. Pourquoi geek? Quelqu'un sait? Parce que c'est dans le live, les zombies. Je me rappelle plus. Dans le comic, non, je pense pas. Donc, vraiment, la série, ça m'a marqué. Chaque fois, t'entends le terme geek pour parler de zombies. Pourquoi? Parce que c'est des no-life, les zombies. Comme les geeks. Les geeks ne sont pas nécessairement des no-life. Non, mais bon, voilà. Mais oui, c'est bizarre d'attaquer ton public. C'est réducteur de dire no-life. Je sais, j'aime bien. Oui, voilà, c'est ça ce que je me disais aussi. C'est bizarre d'attaquer ton public en comme ça dans la... Enfin, je ne sais pas. C'est un peu... Ouais, maintenant, ça a peut-être une autre signification en anglais aussi, que je ne connais pas, mais ça m'a fait bizarre de l'entendre à chaque fois. Non, ça m'a surpris aussi la première fois. Bref, chauve, excuse-moi pour cet aparté. Bref, voilà quoi. Un bon livre, gros. Au final. Donc un bon livre avec quelques longueurs. Bah, et... Un bon livre. Si tu l'as lu le soir, dans déjà, sa, c'est que... Dans sa niche, quoi, je veux dire. Dans son sujet, oui, c'est plaisant pour un amateur. En même temps, c'est pas le bouquin du siècle non plus, mais ouais, globalement, ça reste... Ça reste bon du siècle. À lire. Et, voilà, en parlant de zombies, ça peut pas être... Oui, mais voilà, c'est ça, c'est pas une œuvre. Enfin, c'est rare les œuvres. C'est pas de la haute littérature, mais ça se tient. C'est bien foutu. Alors moi j'ai une question. Ceci, oui. Question très importante. Tu suces? Non. Ça va, c'est pas une blague pédophile, donc on peut la laisser, je ne s'en serai pas. Non, est-ce que tu l'as amené pour que je puisse le lire? Il faut que je vérifie, mais je pense pas. Non, parce qu'il te prend tes trucs, mais il te prête pas les siens. Voilà, ça c'est chaud, il m'emprunte quelque la chose. La prochaine fois, moi je veux bien, pas de soucis. Mais après avoir lu le guide de survie en territoire zombie et je suis en train de lire Walking Dead, autant continuer dans le triptyque zombie. Je l'ai sorti pour en faire ma petite bafouille là sur Word, mais je crois que je l'ai re-rangé. Je te l'amènerai la prochaine. Tiens, mais ça n'intéresse pas les auditeurs. Petit aparté, signaler que bon, on parlait de la mode des zombies. Une édition collector de la statuette de Yoshi de Mario qui allait être produite en version zombie. Mais tu sais qu'il n'y a pas que ça en zombie, il y a beaucoup de choses. Oui, oui, mais disons que c'est un premier. C'est une première de voir. Je peux te sortir une adresse, je la mettrai sur le forum, d'ailleurs postée sur le forum. Une adresse où le gars s'amuse en fait à refaire toutes les affiches de films cultes d'Hollywood version zombie. Tu as Retour vers le futur, Indiana Jones, Avatar, toutes ces affiches-là en version zombie. Et franchement, elles sont pas mal faites. Mais c'est une mode, quoi. C'est vraiment. Il y a beaucoup de détournements comme ça sur Internet pour le moment, beaucoup de. C'est aussi pour ça que je dis qu'il y a une vague de zombies en ce moment qui est un petit peu... Ouais, ça voilà, devient vraiment très... Tout est zombifié, en fait. Ouais. J'ai même vu des manettes de console qui étaient zombifiées. Ah ouais. Ils montraient comme s'il y avait des organes à l'intérieur, on va dire, un schéma. Mm-hmm. Et puis après, ils faisaient une version zombie de la chose avec les organes pourris. Et... Mm-hmm. Ouais, c'était pas mal. Enfin, voilà. Chauve... J'en ai fini. Je peux commencer à dire des conneries. C'est bien, c'est parfait. Quelque chose à ajouter, les enfants? Non. Non. Mais ça a l'air intéressant comme livre. Ça a l'air d'être une lecture rapide et amusante. Voilà, ça fait 1500 pages. Hein, mais... Ouais, mais bon. Oh, ben, rapide dans le sens facile à lire. Ouais, c'est facile à lire. C'est ça qui est bien. Si c'est vraiment que des témoignages et que c'est... Je suppose que c'est fait de manière... Comment expliquer? Des témoignages avec la façon de parler des personnages, quoi, une façon de parler commune, c'est pas... C'est des dialogues. Ça dépend de leur origine, quoi. Je veux dire, il y a des troufions, il y a des clampins. Oui, voilà. Ils parlent comme des. J'allais dire des baraquis, mais. Ils ne te parlent pas en prose. Ils ne te parlent pas en prose, non. Ou en alexandrin, quoi. Maintenant, il y en a d'autres qui parlent mieux, quoi. Mais c'est jamais. Oui, c'est pas de la. C'est pas de la poésie, c'est pas de la philosophie. C'est en version de poche ou. Ouais. Oui, t'as dit au début qu'il n'achetait que des versions de poche, si tu avais écouté. Ah oui, mais... Ah, ouais, mais... Qui n'aimait que les versions de poche pour sa bibliothèque, mais c'est peut-être ça. Pas forcément celui-là. Si, oui. Il prend tout en poche. Voilà. Autant pour moi. Ce sera tout en poche, lui. Ça va, c'est parfait. Alors, je crois qu'on est arrivé au terme. Là, on va embrayer sur une petite info à la con, alors, avant de passer au deuxième sujet, au grand débat. Et avant d'aller pisser, monsieur, vous... Ladies and gentlemen, please silence. This is the info à la con. L'info à la con. C'est l'info à la con. Voilà, donc petite info à la con comme d'habitude pour une petite interlude entre les différents sujets. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait... quelqu'un a déjà vu le film Kick-Ass? Ouais. Stetson l'a vu. Tu m'as prêté le comic et j'ai toujours pas lu. Ah, voilà, ben, tu le liras. Donc, le principe de Kick-Ass, c'est un gamin qui décide d'être super-héros dans la vraie vie. Il n'a aucun pouvoir, mais il décide de se costumer et de défendre la pauvre, la veuve et l'orphelin. Tout ça, tout ça. Et en fait, ben, ici récemment sur Internet, on avait apparaître un reportage de je ne sais plus quelle chaîne aux États-Unis, je ne tombe plus dessus malheureusement, enfin, une chaîne de télévision qui présentait en fait un vrai super-héros, dans la réalité donc, un crétin qui se costume, qui se fait appeler Phoenix Jones. Quel nom de merde, n'est-ce pas? Je vous montrerai peut-être les images, je les mettrai sur le forum aussi. Donc il se costume d'un magnifique costume en latex noir et jaune, c'est splendide. Et il se balade dans les rues de la ville le soir venu, en fait, pour essayer d'arrêter les criminels et de défendre les pauvres gens. Noir et jaune, c'est pas Wolverine, ça? C'est pas vraiment... Je montrerai l'image, il ne ressemble pas vraiment à... Il est pas un peu psychotique. Il est quand même équipé d'un gilet pare-balles, hein. Il n'est pas tout à fait malade, il a quand même pris une petite sécurité, on va dire. Alors, il est peut-être un peu psychotique, parce qu'il tient une boutique de comics, en fait. Étonnant, n'est-ce pas? Et il se change à l'arrière de sa boutique le soir venu quand il ferme. Donc, il est vendeur de comics le jour et super-héros la nuit. C'est magnifique. C'est idyllique, n'est-ce pas, hein? Putain, je voudrais bien le voir. Et alors, il a plein de boutons sur la gueule et qu'il a des grosses lunettes. Ah, on ne le voit pas en vrai, on ne voit seulement que il ne montre pas son vrai visage. Et alors, il est équipé d'une bombe lacrymo et d'un taser, puisque non, bon, il ne peut pas être armé, apparemment il n'a pas le permis en plus. Donc il se défend avec ça. Et alors il fait partie d'une association, attention, parce qu'ils sont en train de créer une association, parce qu'apparemment ils sont plusieurs à vouloir le faire, qui s'appelle The Rain City Super Heroes. La mission sera évidemment de combattre le... Ah, je ne sais pas, mais bon, voilà, on peut dire qu'il y a des dingues partout dans le monde. Et c'est où? C'est aux États-Unis, je suppose. C'est aux États-Unis. Rain City, ça doit être Seattle. C'est à Washington. Rain City, Washington. C'est Seattle, ouais. Ouais, c'est à Washington, ok. Non, c'est pas l'État de Washington? Ouais, c'est l'État de Washington, j'ai mal dit, excusez-moi. C'est d'ailleurs l'État de Washington. C'est pas Washington, c'est l'État de Washington. De tout à gauche. C'est pas grave. Mais voilà, donc... Culture, c'est un... Ne comprends pas les personnes. Mais voilà, donc il y a des malades partout, et jusqu'au jour où il sera plombé, et que... Ouais. Qu'on verra aux news, un homme est mort déguisé en super-héros sur le trottoir de Seattle. C'est ouais. Son problème, hein. Un commentaire? Oui. Je crois que... Oui, un commentaire. Attends. Achou, un commentaire, attention. Oui. L'attachement mène à la jalousie. À l'ombre de la convoitise, il grandit. Et quel est le rapport? Ah, aucun. D'accord, merci, Chou. Ça on pas passe au débat. D'avoir un rapport. Yes. Here we go. Here we go now. Here we go now. 1-2-1-2, the Atari group. We're geeks. We're geeks. Here we go now. Geeks, geeks, yo, yo, hello, hello, hello. When I get home, I play on my computer. If my mum interrupts me, I'm gonna shoot her. I like drinking coffee and it's money when I slurp. It really makes me laugh when I do a bottom burp. I've got a lot of friends, I met them on the net. I've got a Tamagotchi and I keep it as a pet. Favourite game is Snake on my mobile phone. I never have a girlfriend cause I always live at home. I don't like rugger cause it gets a little rough. I'm allergic to everything including cheesy puffs. My computer's really fast, it goes the speed of light. I spend 6 hours on the net every single night. I'm not popular at school, I often get a deck in. But that's okay, cause I got friends when I go start drinking. I like to work on math problems hour after hour. I got a phone at Overboy, standing in the shower. Donc maintenant on va passer au grand débat. Mais avant, parce que Monsieur Chaud va insister, parce que... Non, c'est... Bon, je vais être mal poli, désolé, on pourra mettre un bip au monteur, enfin c'est moi qui monte en même temps, je choisis. Ce crétin-là, ce trou du cul de glandu de chauve, ouais, oh. Cet imbécile de putain de bordel de Barbara Streisand, qui est canadien, probablement. Qui est sûrement canadien, ah non, oui. Ça, je suis choqué. Qui est, voilà, qui est un pédophile canadien, oh. Tout le monde l'a entendu au précédent enregistrement. Donc cet imbécile, disais-je, a oublié de mentionner quelque chose dans son sujet. Donc Chauve, d'abord la parole à toi, et après j'embrayerai sur le débat. Donc, mais je l'avais vu en préparant mon sujet en plus, mais c'est Stetson qui me l'a rappelé, que le bouquin dont je viens de parler, les droits pour le cinéma avaient été rachetés récemment par la société de production de Brad Pitt, donc un film est en préparation, et Stetson me dit que c'est Brad lui-même qui va... Himself. J'espère qu'Angelina jouera le zombie, qu'elle se fera péter la tête, cette... Et la rondelle. Non, non, la tête, parce que franchement, j'ai vu, j'en parlerai dans Vrac tantôt, j'ai vu Le Touriste récemment, j'étais au cinéma, et le truc qui m'a le plus énervé dans ce film, c'est Angelina Jolie. Elle me sort par tous les trous, et si je pouvais la voir une fois recevoir une bonne balle dans la tête ou une bonne trempe, ça me ferait plaisir, franchement. Donc voilà. Deuxième info, le bruit grinçant qu'on entend tout le long de mon sujet, c'est l'octocouille de Kirby. Donc c'est un espèce de petit hamster, mais qui a 8 couilles. Et il a une petite roue, et il. Enfin, en roulant, ben, ça fait du bruit. Mais là, on l'a viré. Tu devrais. Il s'est malencontreusement retrouvé sous ma semelle. Oui. Tu devrais faire un one-man show parce que. T'as l'imagination. Octocouille, il n'y a que toi qui peux. C'est un octodon. Ah, moi, je sortais toujours octogone, mais il n'a pas 8 côtés. Octocouille, c'est plus facile pour moi. T'as vu un rongeur à 8 côtés. Et octodon, ah, ça veut dire qu'il a 8 dons. Mais voilà, justement, c'est la question que je lui pose depuis des années. Donc, eh ben voilà, pour nos auditeurs, si quelqu'un a la réponse, quel 8 il a, voilà, la réponse. Moi, je... Octodon, pourquoi octo ? Qu'est-ce qu'il a en 8 exemplaires ? Voilà, si un de nos auditeurs trouve la réponse, qu'il nous l'envoie, on sera plaisir d'en discuter dans le prochain podcast. Voilà. Et la troisième info, quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras. Merci Maître Yodas. Voilà. Salut Anéva. On peut passer aussi au débat. Je peux passer au débat, c'est bon, je peux y aller. Ouais. Ok, bon, ben on va. Le débat, le sujet du débat pour aujourd'hui, c'est l'avenir des consoles. Donc, on va simplement parler en fait du futur, de ce qui risque d'arriver, de selon vous, ce qui arrivera, de ce que vous pensez des consoles à l'heure actuelle. La fin du monde en 2012. Oui, il y aura ça avant, effectivement. Donc, moi, je peux pas être là, j'ai piscine. Merci, chauve. Donc, pour résumer, ben. Comme vous le savez tous, depuis des années que les consoles existent et qu'elles sont devenues grand public, l'évolution suit son cours. Je veux dire, donc les consoles sortent les unes à la suite des autres. Donc par exemple, à peine une console est sortie, généralement, qu'on entend parler de la suivante, de la prochaine génération qui va arriver. Ça fait quelques années qu'on entend parler de Noël. Sauf, voilà, justement, sauf cette génération-ci, la 7e, parce qu'on compte en génération par rapport au... Donc là, ici, c'est la 7e génération de consoles qui est sortie, donc avec la PS3, la Xbox 360 et la Wii. Et depuis leur sortie, on n'entend absolument plus parler Ça m'évite de réinvestir dans une console. On commence, les fabricants veulent qu'on sorte de nouvelles générations maintenant, mais les développeurs, eux, sont contre, puisque les nouvelles consoles ont été conçues pour tenir encore 4 ou 5 ans avant d'être remplacées par une nouvelle génération. Oh, okay. Sony avait estimé le projet PlayStation en 3 étapes. La PlayStation 3 étant la dernière, et ils estimaient pouvoir la tenir encore au moins 4 ans avant de devoir la remplacer. Maintenant, voilà. Ça fait au moins 2. Bah, c'est justement ça c'est le postulat de départ du débat, parce qu'après ça évolue. Mais effectivement, donc, tu vois par exemple que la Xbox 360 est sortie en 2005, un an plus tard la PlayStation 3, et depuis lors, voilà, il y a eu des évolutions sur les consoles elles-mêmes, et justement c'est un de mes points de débat. Mais les consoles en elles-mêmes n'ont pas changé. Donc, bon, on va rentrer directement dans le sujet. Alors, donc, justement, le premier point du débat, c'était ça. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de nouvelle génération de consoles, alors qu'avant, comme on l'a dit, quoi, avant, c'était vraiment, il y a une console sortait, à peine elle était sortie, que tu avais déjà les rumeurs sur la suivante, avec son nouveau hardware, son... Bah. Il commence à tellement avancer dans la technologie qu'il n'y a plus d'énormes progrès. Ça, à faire, c'était justement le premier point de non-retour en termes de qualité. Donc, elles font HD, elles font 3D, elles font. En flèche pendant tout un temps. Et puis, ouais, ça continue, on a encore. Moins quand. Ça dépend. Il n'y a plus vraiment. Quand on passe au dual core sur les smartphones, et alors ça réavancera. On n'a plus vraiment de grosses évolutions à subir au niveau technologique, au niveau hardware. Non, sur PC déjà. C'est aussi que sur PC ou console, on a sur les consoles au niveau vraiment, je parle ici de technologie, je vais y parler en quantité entre guillemets, mais elles font la HD, elles font de la 3D, elles font c'est de la fausse HD hein, qu'elles font la plupart du temps. Oui, mais il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas grand chose qu'on pourrait apporter de nouveau. Mais quand même loin d'avoir sur les consoles un rendu qui est aussi bon que ce qu'on peut faire sur PC, genre avec Crysis 2. Ouais, mais ça tu ne l'auras jamais, c'est vrai, parce que bon, ça n'évolue pas de la même manière. Non, mais le fait qu'elles évoluent pas, c'est aussi dû au fait que les PC n'évoluent plus. Je viens de te le dire et tu me dis que ça n'évolue plus. Écoute un petit peu chaud, s'il te plaît. Chaud a toujours raison. C'est Maître Yoda. J'ai plus changé de PC depuis super longtemps et ça, j'arrive toujours à jouer. Vu ton écran, va falloir que tu le fasses bien toi. Oui, mais ça, c'est pas la même chose. Ah, c'est pour jouer. C'est un peu... Et c'est déjà remplacé, celui-ci. Ah, d'accord. C'est son PC portable, ça, on va... c'est pas... De toute façon, c'est pas un PC portable, c'est un Mac. Voilà, on joue pas avec on un joue Mac. On joue pas avec un Mac, voilà, ça ne se fait pas. Ah, pardon. Je joue pas du tout. Donc, ouais, donc pour vous, on est arrivé vraiment à... entre guillemets, un point de... Enfin, pas un point de non-retour, mais à une telle qualité que... Ça ne justifie pas d'investir encore dans une technologie plus poussée pour au niveau qualité ou gameplay. On atteint les limites maintenant. Tout se joue sur les programmations, les éditeurs et les périphériques de saisie de mouvement et c'est tout. Et on a justement des coûts de développement qui sont énormes pour un studio, donc c'est clair qu'ils n'ont pas envie d'encore devoir de rajouter plus. Et puis il y a ça aussi, le coût de développement des consoles était tellement colossal pour la dernière génération qu'il faut les amortir, et ça se fait sur, ici ils avaient calculé, sur quasiment une dizaine d'années, donc on n'aura pas de nouvelles consoles tant que les précédentes n'ont pas été entièrement amorties, que les générations précédentes on a vendu beaucoup plus sur une période plus courte. Donc, ici, justement, tu reparlais de... Parce que ça, c'était un des points que j'allais aborder après. C'est justement la possibilité aussi, maintenant, les consoles ont la possibilité d'évoluer. Parce qu'avant, une console de jeu, on te la sortait, tu avais des cartouches qui allaient avec la console. Point. Tu ne pouvais pas évoluer sans changer de console. Ici, maintenant, elles ont un firmware, elles ont la possibilité d'inclure de nouveaux gadgets, comme par exemple ici le Kinect et PS Move. C'est des add-ons qui se sont faits après des années et qui relancent entre guillemets les ventes de consoles. Donc il y a cet aspect-là aussi. Le remplacement de disque dur, système sans fil qu'on veut rajouter. Ils peuvent garder la même structure, la même machine en elle-même. Donc ça revient presque comme un ordinateur en fait. Ils gardent le même, pas dire background, mais la même machine, la même base, la même normalisation. Il y a une normalisation des technologies employées. Les cartes mémoire, les disques durs, les systèmes sans fil sont similaires aux trois grandes marques de consoles qu'auparavant, chaque console avait des composants bien spécifiques à elle qui n'étaient pas du tout possibles de comparer à d'autres marques. Sur cette génération-ci, tu as encore quand même quelques petites différences. Même si ça marche tout avec un peu de disques durs, etc., tu as quand même le support. Oui. Xbox est supportait le HD DVD. Bien sûr, maintenant. La PS3, le Blu-ray, et la Wii ne supporte plus. Tu peux ouvrir ta Xbox, sortir le disque dur et le mettre dans une PlayStation 3, le formater, le mettre dans une PlayStation 3. Non, ça ne fonctionnera pas. L'Xbox, les disques durs, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, c'est oui, disque dur. Dans le boîtier, tu ouvres ton boîtier, c'est un 2 pouces et demi quand même. Pas sûr. C'est un format propriétaire vraiment compliqué qu'ils ont. Oui, pour Microsoft. Sur la PS3 avant, je sais bien que ça c'était un disque dur que tu pouvais avoir. Bon, admettons peut-être pas le matériel intégré, mais tout ce qui est externe, etc., stockage de masse qui peut être utilisé dessus, sont des formats communs, plus l'intégration des fichiers, etc., qui sont. On peut utiliser des fichiers vidéo sur les deux consoles, ouais. Ils lisent les mêmes formats. Oui, puis ils ont un peu les mêmes buts. C'est des outils multimédia dans ton salon. Ils font les deux de la même manière. Il y a juste la PS3 qui fait des Blu-ray, quoi, qui était un avantage au début, sympa. Oui, parce qu'il y a aussi ce facteur-là, c'est qu'ils essayent aussi, les consoles, c'est plus seulement des consoles, en fait. C'est aussi des lecteurs multimédia, c'est des machines à tout faire, ouais. Entre guillemets. Donc, je veux dire, ils suivent aussi la technologie à ce niveau-là. Et tant qu'il n'y aura peut-être pas d'évolution Blu-ray, Sony ne verra peut-être pas l'intérêt de sortir une autre machine aussi. D'ailleurs, c'est un peu le problème de l'Xbox d'avoir un format aussi léger. Quoi. Le DVD, maintenant, ça devient quand même beaucoup trop léger. DVD, HD, DVD, mais c'est vrai qu'il ne s'en sert pas. Ouais, c'était de toute façon... Le HD, DVD est enterré de toute façon. Un format qui est mort et qui... Mais même dans tous les cas, c'était un accessoire, donc ils n'auraient jamais pu faire des jeux sur HD, DVD. Ça aurait jamais été accessible. Ils auraient dû les concevoir sur HD-DVD pour ceux qui en avaient et sur DVD normal pour les autres, que tout le monde puisse acheter les mêmes jeux. Or, c'était pas possible, donc... Ça, c'est le problème que Microsoft a déjà maintenant, quand on voit que Forza a besoin de plusieurs DVD. Quoi. C'est pas normal, c'est chiant et c'est pas normal. Final Fantasy XIII, pareil, 4 DVD sur Xbox, un Blu-ray sur PlayStation 3. Sur PlayStation 3 quand même. Et encore sur Xbox 360, le jeu est de moins bonne qualité parce que les textures sont trop gourmandes à stocker. Donc. Le problème de stockage pour moi. Ne parlons même pas de. Il y a quand même des limites alors à ces machines-là. Donc, mais c'est une limite parce que c'était déjà une limite quand ils l'ont sorti. S'ils l'avaient sorti avec quelque chose de mieux, Ils auraient pu sortir juste avec le HD DVD, utiliser ça juste comme un média de jeu. Ça aurait pu très bien passer. Sans compter qu'il y avait des films aussi, juste l'utiliser comme un média de jeu. Oui, d'accord, le HD DVD. Utiliser le HD DVD comme. D'accord, pour imprimer des jeux plutôt que les imprimer sur DVD, quoi. Oh, effectivement, ils auraient et le mettre ça dans la console de base, ça aurait coûté plus cher, ils auraient perdu plus d'argent au début. Parce que sur l'Xbox 360, ils ont déjà perdu de... Pourquoi ? Elle aurait été plus chère, ils en auraient vendu certainement. Ils ont déjà vendu à perte, donc à mon avis... Maintenant, le problème, c'est que Microsoft n'a peut-être pas voulu non plus prendre le risque d'un nouveau format pour lequel ils étaient en guerre contre Sony, avec le Blu-ray, et qu'ils se sont dit, si jamais ça ne marche pas, on va se retrouver avec des consoles avec ce format-là qu'on va devoir produire pour nos consoles et qui ne sera pas rentable dans un autre domaine que pour le jeu vidéo. Ouais. Donc ils n'ont peut-être pas voulu prendre de risques et attendre de voir comment ça allait évoluer. Maintenant, ce qu'ils devraient peut-être faire, maintenant, si c'est faisable, mais intégrer des lecteurs Blu-ray dans les nouvelles versions des Xbox. Mais on arrive le problème de devoir vendre le jeu dans deux formats différents. C'est toujours ça le problème, c'est que les possesseurs des anciennes Xbox n'auront pas la possibilité d'accéder au Blu-ray. Donc il faudra qu'ils seront obligés pour ces jeux-là de mettre à jour leur console. Après, d'acheter une nouvelle console, en ce moment-là, ça revient à sortir un nouvel appareil, quoi. Une nouvelle génération. Commercialement, je ne pense pas que ça aurait un intérêt de garder la Xbox et de sortir un add-on. On a déjà vu dans l'histoire des consoles de jeux, tout ce qui est add-on comme ça, au départ, se fait planter. Ouais. Sur Nintendo 64, ils ont sorti un DD64 pour lire des disques. Ils se sont plantés. Commercialement, ce serait effectivement pas... Non, je crois que c'est pas la bonne solution et c'est pas ce qu'ils veulent, à mon avis. Donc, Non, puis de toute façon, le futur, c'est plutôt vers le streaming. Hein, mais, bon. Mais justement... J'aime bien parce qu'au fur et à mesure du débat, vous partez dans les points que j'ai relevés et que dont je voulais parler. Le prochain point, effectivement, c'était au niveau du streaming et du cloud gaming, en fait. C'était justement, est-ce que ça aussi, entre guillemets, ça n'empêche pas l'évolution ? Parce que avec le cloud gaming, vous pourrez avoir n'importe quelle machine, vous pourrez faire tourner n'importe quel jeu qui sera exécuté sur un serveur distant. Et diminuer le coût de. Voilà, donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une simple machine ? Que ce soit un PC ou un box multimédia. Dans ta TV, comme un live. Ou dans la TV, voilà. Une simple box et qui permettrait de lancer le jeu sur le serveur. Et tu n'as pas besoin d'évoluer la box. Parce que de toute façon, le jeu est toujours lancé. Maintenant, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais je ne sais pas pour les autres. Moi, en tant que gamer depuis tout petit, c'est pas quelque chose qui me conviendrait. Le support physique, la console, brancher à la télévision, qui a des performances propres, c'est vraiment quelque chose. Est-ce qu'on ne se dit pas à l'heure actuelle ça, parce que nous, on est dans cette génération, on a l'habitude du support, et tout tend vers le dématérialisé, il n'y a rien à faire. Oui, on va vers le dématérialisé. C'est inévitable. Donc est-ce que, à terme, tu devras l'accepter, entre guillemets Ce qui est paradoxal avec ça, c'est que le dématérialisé, si tu regardes les chiffres de vente et les bénéfices générés, un jeu qui se vend à 10 millions d'exemplaires en dématérialisé en téléchargement et à 10 millions d'exemplaires en version boîte rapporte plus d'argent à la société dans sa version boîte que dans sa version dématérialisée. Oh ben, donc ça, je ne sais pas si vraiment on va aller vers tout dématérialisé. Je pense que c'est un phénomène actuel parce que ça commence seulement et ils sont obligés pour faire du dématérialisé de passer par des intermédiaires de réduire un petit peu les prix parce que les gens ne sont pas prêts à mettre le prix plein et je pense que quand ce modèle économique sera plus en place le fait de le dématérialiser entre guillemets leur rapportera plus parce qu'ils pourront remonter les prix comme ils ont fait avec les supports physiques, peut-être se passer des intermédiaires en ayant des serveurs propres à leur machine, peut-être plusieurs solutions qui leur permettront de rentabiliser ça. Pour moi, le plus gros avantage du dématérialisé, c'est que tu peux pas revendre. Et c'est le plus gros problème des aussi, éditeurs, oui, c'est la location. Et la location. La location aussi, et l'occasion, C'est de la pure perte, l'occasion. Et le dématérialisé, ça t'enlève ça. Vu comment EA et tout ça essayent de trouver des combines avec des DLC pour aller sur le multi. Si tu l'achètes pas, si tu l'achètes de casse, maintenant, le maintenant ça plus c'est pire que ça aussi. Les cinématiques de fin, ils en parlent. Non, maintenant tout ça, c'est un petit peu de la faste blague parce que auparavant le marché de l'occasion était très florissant, la PlayStation 1, la PlayStation 2, on l'a vu, il n'y avait quasiment pas de jeux online, et pourtant ils ont, les chiffres d'affaires étaient là, on faisait des jeux qui étaient nettement meilleurs. Le développement était beaucoup moins gros. Hein. Ils étaient moins gros. Mais même, de toute façon, c'est pas que c'est... Ils réfléchissent en termes de gains immédiats. Voilà, par exemple, le piratage aussi. Le problème. Le dématérialisé, entre guillemets, le piratage. Non, c'est le PSP Go, je suis désolé, mais comment, par exemple, c'est... Par exemple, mais ils ont voulu sortir un PSP Go, pourquoi ? Tu ne peux pas pirater sur le PSP Go. Parce que tous les jeux sont en ligne. Si, elles sont piratables. Si. Pas piratables à l'heure actuelle. Tu ne peux pas mettre de mémoire. Non, c'est seulement... C'est ça le problème de la PSP Go, il n'y a pas de mémoire intérieure, il n'y a pas de lecture de disque, il n'y a rien. Les jeux sont uniquement en ligne. Si, hein, tu as une mémoire interne. Hein. Non, la PSP Go. Si, tu as une mémoire interne. Tu as 8 ou 10 gigas d'espace interne, plus le memory stick. Je vérifierai. Tu peux aller voir d'ailleurs sur le journal de geek Party Gamer, on voit tourner des émulations sur PSP Go de jeux qui n'étaient pas sur le PlayStation Store et qui sont uniquement en UMD, qui tournent dessus malgré tout. Donc, effectivement, tu as raison. Là, c'est réalisable. Mais attention, ça c'est pour la version actuelle. Mais justement, est-ce que ce n'est pas préparé pour dans le futur des machines qui ne liront que du le problème Le problème qu'il y a, c'est qu'on veut tuer le marché de l'occasion, et c'est clairement dit comme ça, le marché de l'occasion et de la location. Mais le souci, c'est qu'on fait des jeux dématérialisés pour forcer l'achat systématique et ne plus permettre la revente. Alors, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que beaucoup de gens financent les nouveaux jeux par la revente des anciens. Donc, ça veut dire qu'ils vendront ils ne vendront plus de jeux. Donc, ils rachèteront beaucoup moins de nouveaux. Et puis, il y a aussi le fait que les nouveautés sont excessivement mauvaises. On va prendre des Call of Duty, je suis désolé, une campagne solo qui se boucle en 5 heures en mode difficile. Pour un jeu payé 70€ avec uniquement des DLC qui vont te permettre de détendre un petit peu le mode multi, mais encore une fois, ton jeu va te coûter un prix dingue pour pouvoir jouer uniquement en ligne et ne pas avoir de contenu dans le jeu. Je trouve ça exagéré et le dématérialisé va accentuer cet effet-là. Je suis d'accord avec toi que le dématérialisé c'est pas positif, mais il va y arriver quoi. On va prendre l'exemple, un jeu Final Fantasy XIII qui tient sur 4 DVD ou un Blu-ray en dématérialisé, c'est ingérable. C'est impossible. C'est un problème aussi. C'est un énorme problème et les jeux vont être de plus en plus gros. Mais ça c'est un problème qui va être réglé en théorie. On est censé améliorer nos connexions. Ah oui, voilà, l'évolution va dans ce sens. L'évolution va normalement dans ce sens. Maintenant, il y a les coûts qui vont avec pour l'utilisateur final. Mais ça aussi, c'est censé se... Normalement, comme les industriels le prévoient, mais ça, c'est un autre débat, dans quelques années, on aura tous des connexions fibre optique à la maison qui vont à des vitesses pas possibles. C'est sûr que le mec de la vidéo à la demande en permanence. Et tout sera sur des serveurs. Regardez ce qu'on a ici comme connexion. Voilà. Mais voilà. Je pleure, le cloud gaming et le tout dématérialisé ici chez Nico. Ça, je sais très bien. Mais moi, j'habite le trou du cul du monde. Pas tellement. Du 20 mégas. Je parle ici aux yeux des grosses majors qui sont là-bas aux États-Unis et qui. États-Unis, c'est caricatural, mais et qui ne voit pas. Fin... Non, le tout dématérialisé, ok. Si la qualité des jeux s'en ressent. De toute façon, le dématérialisé, c'est un débat sur lequel on reviendra peut-être, c'est vrai. Enfin, qu'on en parle une fois. Mais c'est vrai que c'est un autre. En fait, on parlait un peu de deux trucs différents. Au début, on parlait de streaming et de trucs plus style on live, où on n'aurait plus de machine. Voilà, c'est deux choses différentes. Le tout dématérialisé, on reste quand même avec les consoles physiques et leur puissance propre. Qui sont chez l'utilisateur. Enfin, je vais recentrer un petit peu le débat alors, si vous permettez. Okay. On va dématérialiser, c'est vrai qu'on en parlera peut-être une autre fois. Parce que sinon, on va dériver, on va partir sur la durée. Stetson n'aime pas quand les débats durent. Non, ça me dérange. De toute façon, c'est un taliban, c'est tout. Voilà, exactement. Oh, le réveil du chauve. Chauve parmi nous. Pour ça, il ne se rase pas. Alors, autre chose, on va partir sur un autre. Barbe céleste. C'est un touriste anglais mélangé à un taliban. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on dirait qu'il a une barbe, mais en fait, c'est peut-être une vingtaine de poils très très longs qui s'entortillent et qui forment un semblant de barbe. Mais en fait, il n'a pas de barbe. Non, alors. Bref. Bon, bref, on va repartir sur la suite de ce débat donc. Moi, je cherchais la bière du coup. On va chercher d'ailleurs, c'est une bonne idée. Je vais en prendre une aussi si tu veux bien. Je vous en prie. Donc moi j'allais embrayer en fait sur le fait que les consoles en fait aussi deviennent entre guillemets des boîtiers multimédia, media center, des gros boîtiers à tout faire. Et ce que j'allais vous poser aussi comme question, parce qu'on voit par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi un tout petit peu l'actualité française ces derniers temps, Free a sorti une Freebox V6, ouais, Freebox Révolution qu'ils appellent ça. Et dans la Freebox, on a la possibilité, toutes les possibilités habituelles, donc la vidéo on demande, la connexion internet, tous ces trucs-là. Et il y a également la possibilité de télécharger des jeux et de jouer directement sur sa Freebox. Et alors, suite à ça, Orange en fait a annoncé qu'il allait sortir dans les prochains mois une Orange Box avec le système, attention le nom, accrochez-vous, Kinu, qui est un équivalent de Kinect. C'est très original, n'est-ce pas ? Donc, le principe, c'est que sur l'Orange Box, vous aurez aussi une caméra qui détectera vos mouvements, vous pourrez la guider comme ça, et vous aurez la possibilité de télécharger des jeux et de jouer avec votre corps à la façon d'un Kinect. Et alors, ce que c'était sans expliquer, il y a aussi les télévisions qui sont connectées à Internet, qui permettent aussi de télécharger des jeux, il y a Google TV qui arrive, il y a... Oui, puis OnLive fait des contrats en ce moment pour avoir pour avoir, voilà, sur la télévision. Ouais. Donc, est-ce que aussi, d'un côté, tout ne va pas converger vers ces grosses box Media Center qu'on aurait chacun dans notre salon, et est-ce que les consoles ne vont pas arrêter d'exister en tant que telles, en tant que consoles de jeux, mais devenir juste on aurait entre guillemets à la maison un gros Media Box qui ferait tout, y compris le jeu. Il serait même dans ta TV. Moi personnellement, je ne serais pas pour des solutions tout en un comme ça. Pas pour, parce que je pense que si on se diversifie trop, on devient plus ou moins bon dans tout. On fait un petit peu tout, mais on ne devient pas vraiment spécialiste dans un domaine précis. Voilà, ouais, et on se retrouve, on va vers quelque chose de plus casual qu'autre chose. Et des appareils à performance peut-être moindre dans chaque domaine qu'ils utilisent. Et je pense que ce serait mieux que chaque domaine reste sur sa spécialité, ça, et pas trop se diversifier. Parce qu'on prend ici l'exemple des Freebox, etc. Ben, c'est bien, ils sortent des nouvelles Freebox avec plein de choses dedans, on peut jouer, etc. C'est génial. Maintenant, à côté de ça, on fait 40 km hors du centre de Paris et on a des connexions 128K. Donc, plutôt que d'investir énormément dans du matériel qui va être disponible pour peu de gens finalement, puisque ce n'est que dans les métropoles que ça va être disponible. Les autres sont lésés. On n'aurait pas mieux poussé à l'investissement pour que tout le monde puisse avoir la base et après la faire évoluer. D'ailleurs, l'expérience l'a montré. Sony, à la sortie de sa PlayStation 3, s'est vautré dans sa campagne marketing. Ils ont annoncé la PlayStation 3 comme un sort de multimédia. Ils ont axé toute la publicité autour de ça. Ils n'ont pas vendu de console. Que la Nintendo Wii a été vendue comme une console de jeu sans aucun artifice. Sans rien d'autre, et ça a été la plus vendue. Et ouais. Sony a commencé à vendre des PlayStation 3 quand ils ont commencé à faire des publicités vendant les mérites du jeu de leur console. Aussi, quand ils ont sorti des jeux, le line-up était pour. Bien sûr. Elle coûtait super cher. Il y a d'autres facteurs. Mais il n'y a pas que, ça. Dans les retours. De vouloir absolument tout, comme il dit, de vouloir tout faire, tu ne fais pas une chose bien. Il n'y a rien à faire. Même à l'heure actuelle, les consoles de jeux n'égaleront jamais. N'égale pas pour le moment un bon media center, vrai media center de salon. Ça va très bien maintenant. Ça va très bien. Pour qui c'est sans suffire maintenant. M'en suffire, moi ce que je veux, c'est lire des vidéos qui sont sur mon PC, j'ai pas besoin de plus. Bien sûr. Moi j'ai essayé d'utiliser ma Xbox sur ma media center. Franchement, je suis vite revenu à un boîtier media center ou un ordinateur que j'ai ici qui fonctionne sous Boxy par exemple. Franchement, avec la PS3, ça va être une nette différence. Enfin. Après, c'est une question personnelle aussi. Je suis un peu Nintendo fanboy où je partage l'avis de la console de jeu, c'est fait pour jouer. Voilà. Moi, j'achète une console de jeu pour jouer. Le reste, tant mieux que ce soit là. Mais bien sûr, maintenant. Qui s'intéresse d'abord au jeu. C'est un petit peu l'histoire du smartphone. Il fait des très belles photos. Maintenant, le photographe n'ira pas prendre un smartphone. Mais le photographe, à la base, c'est quoi ? C'est un passionné de photos. Bon, tu es passionné de jeux vidéo, tu ne vas pas pouvoir dire de vraiment faire du hardcore gaming avec une Freebox. Mais maintenant, si on laisse les choses aller dans ce sens-là, on va se retrouver avec des consoles de jeux qui font la lessive et le café, mais qui ne permettront plus de vraiment avoir des jeux au top, parce que les développeurs vont se concentrer sur d'autres objectifs. Mais alors, on peut dire que La Wii ne fait pas des jeux au top. La Wii, c'est une console relativement pourrie pour un hardcore gamer. Et pourtant, elle ne fait que des jeux. Ah, bien sûr, c'est parce que là, le public ciblé est un public casual gamer, des gens qui ne jouent pas habituellement. C'est pour ça que la Wii est dans ce cas de figure, parce qu'elle ne cible pas les mêmes joueurs. Mais on sait jouer online sur la Wii. Je sais, mais c'est pas propre. J'ai déjà joué à Mario Kart online sur la Wii, donc on sait. On sait même télécharger des jeux. C'est pourri. Oui. Non, bah, on va pas aller sur les jeux qui n'ont même pas été re-up graphiquement, qui ont été dump. Ouh là là. Hein? Tu veux parler français s'il te plaît? Qui ont été jetés là-bas. Oui, on est en Belgique là. Avoir, on est en Belgique quand même. Donc, Chauve, un avis sur la question. Bah écoute, moi j'ai pas tout suivi donc je mais la Freebox, la box d'Orange, c'est un peu le principe d'OnLive. Et je pense que c'est important pour eux d'être premier sur ce marché-là, d'avoir fait les contrats. Et OnLive, c'est intéressant pour même pour quelqu'un d'un hardcore gamer, c'est intéressant. C'est pas cher, l'abonnement d'OnLive, c'est genre 15 euros, je crois, par mois. Ouais, mais tu dois c'est payer rien, les jeux aussi. Non, c'est l'abonnement. Ah non, il avait parlé au début qu'il devait faire. Moi, j'avais entendu qu'on payait les jeux abonnement pour pouvoir acheter les jeux. Au début c'était comme jeux. Ça, on payait un forfait et on devait avoir tout. Mais ils n'ont pas réussi à obtenir les accords et normalement maintenant. Et puis, ils avaient dit qu'ils laissaient tomber le forfait, qu'il n'y aurait plus que l'achat des jeux à faire. Maintenant, peut-être qu'ils ont rechangé entre temps. Oui, il semble qu'il y a un abonnement. Le problème pour le moment d'Online, c'est. D'Online. Online, ouais, pardon. C'est qu'il n'y a pas. Le catalogue n'est pas assez gros. Mais être les premiers sur ce marché-là, c'est super important. Non. Je crois que c'est ça. Ici, la Freebox, j'ai pris ça en exemple, parce que c'est Free qui veut dire de se lancer sur un marché supplémentaire. Mais est-ce que, entre guillemets, les consoles en elles-mêmes ne vont pas, elles, se transformer et venir vers les boîtiers multimédia, et qu'au final, on aura une fusion des deux, quoi. Oui, donc confirmation. Ah, il a raison, il faut bien payer les jeux. Ouais, il faut payer les jeux, mais avant il fallait payer en plus un abonnement pour accéder au service. Maintenant l'abonnement a été abandonné. Mais ça reste pas cher. Maintenant il y a aussi le principe du fait que tu achètes un jeu dont tu n'es pas propriétaire. Oui. C'est vrai. Et si la société vient. Si leur serveur vient à tomber en rade et qu'ils décident de fermer les boutiques, ben. Les gens qui ont payé leur licence, ils ont acquis une licence pour un jeu auquel ils ne peuvent plus jouer. Donc, il faut voir un petit peu aussi cet aspect-là. Est-ce que un jour, on ne va pas être lésé? C'est comme les jeux d'Electronic Arts, ou, etc., où on oblige, avec les DRM, le joueur à être connecté en ligne pour pouvoir jouer. Si un jour, les serveurs de ces jeux-là, parce qu'il n'y a plus assez d'utilisateurs, décident d'être fermés, ceux qui jouent encore et qui ont payé leur licence au prix fort, pour pouvoir jouer, ne seront plus propriétaires, ne pourront plus jouer. Des jeux d'Ubisoft. Tous les jeux d'Ubisoft demandent, et ils ont plein de jours où leur serveur était down. On va prendre Command & Conquer 4, si dans 5 ans je veux y rejouer, que le serveur n'existe plus, je ne peux plus y jouer. Je serai obligé de passer par la méthode du piratage. Ouais, là, c'est vrai qu'on entre sur le débat du débat réalisé. C'est vraiment un débat qu'il faudrait qu'on... C'est un petit peu l'avenir des consoles nouvelle génération. Ah oui, ça tend vers ça. Ça tend vers ça, et sur PC, et sur PC aussi. Et vers le méga maintenant, secteur, pour moi. Le problème, c'est que ça va amener la dérive vers le piratage. Et on va se retrouver à nouveau dans une période où on va avoir beaucoup plus de piratage de jeux qu'auparavant. Les éditeurs vont vendre moins de revenus, vont développer moins de jeux et moins bons, moins longtemps aussi. Et on va peut-être se retrouver avec une décadence de la qualité des softs. Enfin, la vision de l'apocalypse. L'apocalypse. Non, mais disons que c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Je suis assez d'accord avec toi, et c'est vrai qu'on passe peut-être pour un vieux con, mais c'est vrai que le dématérialisé, personnellement, ne... Surtout que dans les statistiques, le support physique rapporte encore beaucoup d'argent. À l'heure actuelle, mais il n'y a rien à faire, ça converge vers ça. Je suis très fort pour le dématérialisé sur les jeux indés. Ça a aidé à mort le marché de l'indé d'avoir du dématérialisé. C'est toi qui es indé, c'est-à-dire. Quoi ? Indé, c'est français. Hein. Je sais, mais j'ai pas résisté. Comme Chauve ne sort pas cette petite vanne, je le remplace. Là, tu dois avouer que ça a aidé énormément. Et mais... ça, les vieux jeux aussi, ah, mais ça serait bien. Attention, je suis pour voilà, les vieux jeux sortir de l'émulation comme il y a sur la Wii, par exemple. Tu peux télécharger des jeux non, Super NES. Sur la Wii, ils sont pourris. Non, sur la Wii, c'est vraiment pourri. Non, ils sont excellents. Repayer, payer 5 euros pour un vieux Zelda qui n'a même pas été rendu. Si vous voulez sur Xbox, c'est pour le cas des vieux jeux, effectivement, c'est très bien. Pour le cas, comme il dit, des jeux indés qui n'ont pas la possibilité d'investir dans un marchandising, d'investir dans la fabrication, de boîtes, de boîtes, de sortir en alpha, mais de gagner de l'argent. Tout ça, oui, effectivement, c'est un plus, mais c'est un plus. Les jeux et la console, le jeu en lui-même doit rester... Le dématérialisé ne doit pas devenir une généralité. Une généralité, ouais. Ça doit être une alternative pour qui le veut et pas une obligation imposée à tout le monde. Je vais quand même vous interrompre, parce que c'est vrai que ce que j'aime bien, j'avais mis dans mon document, parce que j'ai fait un petit plan pour mon débat, à un moment, à la fin, j'ai mis « Cloud Gaming, est-ce l'avenir ?» patati. Et j'ai mis « Attention, ne pas rentrer dans le débat sur le dématérialisé » en majuscule. Je crois que ma mission est un peu échouée. Désolé pour nos auditeurs. Mais... Donc bref, on va arrêter là pour les consoles physiques, les consoles de salon. On va passer sur un petit peu le portable, parce que ça peut aussi être abordé dans ce débat. Donc, pour vous, est-ce que les... La même question pour les consoles de salon. Est-ce que les consoles portables ont encore de l'avenir? Parce qu'on voit à l'heure actuelle que les smartphones font tout aussi bien, si pas mieux à certains niveaux. C'est encore discutable. On voit que... Je ne sais pas si vous avez vu au CES, très récemment, qu'il y a un netbook qui a été annoncé par Razer. Ouais, j'ai vu. Un netbook pour gamers, avec des touches personnalisables. Un peu comme le clavier voilà, des touches qui s'illuminent, en fait, ouais. Tu mets une fonction dessus et l'image apparaît sur la touche et cette touche sert à cette fonction-là. Donc, si le jeu PC, entre guillemets, peut être transportable avec le netbook, ou que les jeux peuvent s'exporter sur des téléphones, des smartphones, est-ce que ce n'est pas aussi la mort des consoles portables à ce moment-là? Je pense pas, parce que ici on a vu avec les smartphones. Stenson ne sera pas d'accord avec toi. On a vu les smartphones dépasser les consoles portables actuelles. Je parle de la DS, de la PSP en principal. Juste comme ça, c'est vrai qu'on a vu, il y avait des statistiques. Le plus grand concurrent de la DS de Nintendo, c'est pas la PSP de Sony, c'est l'iPhone. C'est Apple avec son iPhone. On a vu l'iPhone dépasser les consoles portables actuelles. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé avec des jeux moins chers, beaucoup plus de jeux très ludiques, et donc c'est aussi l'iPhone cible un public qui d'habitude ne joue pas. Surtout, il est arrivé, les deux, oui, mais disons oui, que il y avait un public de si tu proposes, si tu regardes le public cible des iPhones et des DS, bon, bah, t'as beaucoup plus, t'as autant d'iPhone vendus que de DS, alors que bon, les DS, ça fait combien tu as un paquet d'années que ça existe, mais ce qu'il y a, c'est que c'est arrivé. Donc, l'iPhone est arrivé avec des graphismes très beaux, très fins, avec des jeux puissants, des jeux en 3D, avec la vraie 3D. Que je t'interrompis, la DS est sortie comme ça, vous avez l'information, le 21 novembre 2004. Donc, c'est arrivé avec des graphismes qui étaient meilleurs que ceux de la DS ou même que la PSP qui est plus puissante que la DS. Et on s'est dit, oh ben génial! Il fait téléphone, GPS, etc. Il a des jeux pas chers qui sont plus beaux que sur les consoles portables. Donc, bah, je vais prendre ça. Et maintenant, en fait, on voit que les nouvelles consoles portables, la 3DS notamment et la PSP 2 qui devrait être annoncée officiellement bientôt. Qui va être très cher d'ailleurs. Qui va être très cher, mais qui au niveau du hardware embarqué propose quelque chose de nettement plus puissant que ce que tous les smartphones peuvent proposer actuellement. La 3DS, c'est moins puissant qu'un smartphone de dernière génération. J'ai pas les statistiques en tête, mais au niveau puissance pure, c'est moins puissant, mais bon, attention, il y a les fonctionnalités derrière. Attention, l'écran 3D, peut-être moins puissant, mais c'est dédié. C'est dédié. La puissance est dédiée au jeu. En processeur pur, il sera déjà en dessous quand il sortira et on va passer au dual core. Maintenant, voilà, il n'y a pas un OS qui doit tourner derrière avec différentes fonctions de téléphone. C'est des consoles qui vont être de puissance peut-être égale ou légèrement moindre, mais qui vont être dédiées à ça, qui vont permettre de nouvelles choses sur le jeu portable qu'on ne pouvait pas avec les anciennes versions. Ouais. Donc, je pense que ça va relancer également l'attrait pour les consoles portables. Pour le jeu par rapport au smartphone. Maintenant, est-ce que les gens vont changer? Je sais pas. Les consoles portables, c'est souvent une histoire de cœur aussi. les jeux qui sortent dessus. Les gens qui prennent une console portable, bien souvent, c'est, ça dépend oui, voilà. des licences alors, qui moi, sont j'ai, dessus. J'ai un téléphone Android, par exemple, je joue énormément avec, parce que pour le moment, je n'ai pas autre chose, mais je n'ai qu'une envie, c'est d'acheter une DS. Malgré toute voilà. la quantité de jeux que je peux avoir, on va, là, on va sortir là. Sur une PlayStation Portable 2 un nouveau Final Fantasy qui ne sera que là-dessus. Tu peux être certain que la console se vendra à des millions d'exemplaires. Ça semble intéressant, moi, tout de suite, mais... Ça, c'est à vous la DS, on va sortir un nouveau Mario tout à fait inédit sur la DS et 3DS. Elle va se vendre et les gens vont l'acheter pour ça. Donc, C'est une histoire de cœur plus qu'autre chose que un smartphone. Bah, c'est plus le côté pratique, économique d'avoir tous les appareils réunis en un seul qui motive l'achat. Donc je pense que ça a quand même un avenir. Pas plus, pas moins qu'avant. Pour toi, les consoles restent des consoles, les smartphones. Il est temps que les nouvelles générations de consoles portables arrivent pour endiguer la vente des smartphones. Il n'y aura pas vraiment de fusion qu'on va devoir avec le PSP Phone, comme on l'a appelé. Non, ou... je pense pas. Le PSP Phone, par exemple, n'est pas là pour remplacer une PSP. C'est un atout de vente pour le téléphone. Mais tu verras que ceux qui ont un PSP Phone auront une PlayStation Portable. Non, c'est vrai que le PSP Phone, c'est un autre débat, mais je suis moins convaincu. Quand je vois par exemple l'échec qu'avait eu la N-Gage à l'époque, qui pourtant était une machine extraordinaire. C'est pas du tout la même chose, parce que déjà le PSP Phone va intégrer les comptes PlayStation Network et permettra à ceux qui ont déjà acheté des jeux dessus de jouer sur leur GSM avec, sans devoir redébourser pour. D'accord, donc c'est vraiment encore autre chose. Toujours la scission, on va dire. Monsieur Stetson. Non, je suis d'accord que les deux peuvent coexister, mais on ne devrait plus les appeler des consoles portables. Parce que c'est pas une console que tu amènes pour aller jouer dehors, pour jouer dans le métro, quand on a un métro. On n'a pas de métro. Merci, Stetson, pour ce bruit en commentaire. C'est des consoles que tu joues chez toi. D'ailleurs, il y a plein d'études qui prouvent que les gens jouent à la DS et à la PSP chez eux. Dans les toilettes. Alors que le smartphone, c'est une vraie console portable. C'est une console que tu utilises quelques minutes quand t'as un petit temps mort. C'est portable entre guillemets parce que tu l'as toujours avec toi parce que c'est pas une obligation quoi. Mais c'est ton téléphone, donc indépendamment c'est vrai que quand tu vas vouloir jouer la DS tu auras peut-être pas pensé à la prendre, que voilà. Le téléphone tu l'as en réflexe, donc oui. Maintenant, bon, c'est l'avantage principal du smartphone, c'est que tu l'as toujours avec toi, tu peux passer 10 minutes vite fait quand t'attends pour un rendez-vous ou t'attends quelque chose. Voilà, là tu l'as avec toi. La 3DS, tu vas pas la prendre si tu dois attendre 10 minutes quelque part. Si tu t'attends à la commune ou quoi, tu vas pas forcément prendre ta 3DS. Sauf si tu sais que tu vas devoir attendre 2 heures quoi. La PSP rentre bien dans la poche arrière de mon jeans. Non, donc Stetson, c'est quand même pour une. Tu crois que moi ça m'intéresse pas acheter une console portable m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de jouer sur une console portable chez moi. Je préfère jouer sur une vraie console. Et quand je suis ailleurs, je préfère utiliser mon smartphone. Tu ne penseras pas à la. Tu ne prendras je pas, pense pas que ce soit tellement le fait de vouloir jouer chez soi ou ailleurs ou d'être dehors. C'est plutôt, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avec les licences qui vont être dessus. Ça, c'est une... Pour moi, j'aime pas jouer sur une console portable parce que j'aime pas jouer sur un petit écran. Voilà, j'aime mieux jouer devant ma TV ou devant mon PC. Mais c'est un point de vue personnel. Oui, bien sûr. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on... Sache que pour la PlayStation Portable, il existe le câble permettant de relier à ta TV en Full HD et d'avoir l'image en plein écran. Ça, bien pixelisé. Là, je ne joue. Voilà, ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là, je trouve. Une console portable, c'était pour jouer... Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait cohérent. Mais encore une fois, c'est une histoire de coup de cœur. Tu vas prendre... La plupart des gens qui prennent une console portable... Allez, c'est pour donner une DS à ses enfants parce qu'on n'a pas envie qu'ils monopolisent la TV du salon le soir quand on regarde la TV. Ils vont jouer dans leur chambre et ils nous foutent la paix. Et ceux qui prennent ont des consoles pour d'autres raisons, bien souvent, c'est parce qu'il y a des jeux dessus qui ne sortent pas sur autre chose. Je suis quand même d'accord avec Tetson sur le point que moi, quand j'ai eu une DS, voilà, après un moment, j'y jouais où ? Dans mes toilettes. Elle restait là. Je ne l'emportais pas, à part quand je savais que j'allais m'ennuyer pendant X heures, là je la prenais en prévision 2, quand je partais en vacances ou quoi. Mais sinon je ne la trimballais pas toujours avec moi. Et bien sûr. Ça c'est vrai. En fait c'est le concept de portable qui... Elles n'ont rien de portable quoi. Mais tu ne vas pas installer non plus dans tes toilettes une télévision avec non, HD en mais de pouce avec une PS3. Je peux me passer de jouer dans mes toilettes. J'en ai une. Ouais. T'es d'ailleurs chauffe, ton avis alors? Hein? Toi, smartphone, console portable, un intérêt à toujours avoir les deux ou... Bah déjà, moi, j'aurai jamais de smartphone, donc... À un moment, t'en auras un. Ça, tu peux pas dire jamais, toi. Toi, ta gueule, on te jamais. Ça, c'est sûr. Je vais pas demander ton avis. Les dumb phones sont destinés à mourir. T'auras pas le choix, ouais, c'est, il a raison. Là, je suis désolé, mais il a raison. Bref, bah, tant que c'est possible, moi, j'en aurais pas. Comme tout à l'heure, tu disais que tu n'aurais pas de téléphone tout court, de téléphone portable, de GSM. Oui, puis il a sûrement dit qu'il n'aurait pas de téléphone voilà, avec un appareil photo. T'as pas le choix. Non, là, pour les photos, je m'en foutais, mais il y en a partout maintenant. Donc, bah voilà, mais c'est pas grave. À un moment, t'auras que des smartphones. Enfin, bon, soit. Ça, c'est un autre débat. Bon, moi, je suis resté bloqué sur mon avis de. Sur mon avis vieux jeu, c'est qu'un téléphone, ça fait pour téléphoner et qu'une console, ça fait pour jouer. Voilà. Bah, donc mon téléphone, il doit être le plus petit possible et servir uniquement à téléphoner et envoyer des messages. Et ma console, mais si t'offres si du bon jeu à côté, si t'offres de possibilité de jouer comme tu joues sur ta console. Du bon jeu, des trucs chronophages comme tu parles, comme vous parliez non, la dernière pas nécessairement. Fois, ou, non, s'il commence à t'offrir du vrai jeu comme t'as sur ta console. Par un contre, vrai bon jeu avec des bonnes licences. Hein. Par exemple. Infinity je prends Blade, par exemple, est super impressionnant. Moi, je connais déjà pas le nom. Mais je, non, mais je prends, là, je cite un exemple d'un avenir probable. Ouais. Si il commence à t'offrir le téléphone, le smartphone commence à t'offrir des jeux de qualité avec des bonnes grosses licences comme il y a actuellement sur console portable. Éventuellement, et moi ça me gonfle de me balader avec un engin qui fait. Parce que c'est ça aussi, pour le moment les consoles portables encore. Nintendo, c'est un cas vraiment à part parce qu'ils ont leur marché, leur licence, leur univers, leur monde. Et puis ils ont leur attrait. Et qu'ils n'éditent pas leurs jeux sur d'autres plateformes. Yeah. Mais si ça venait à venir, si par exemple les jeux Nintendo venaient à arriver sur smartphone, déjà, Android y a par exemple, 3D, iPhone, je pense que c'est... Mais ça c'est encore à part. Parce que par exemple LG a annoncé récemment des écrans 3D pour téléphone portable. Donc ça c'est mais il possible restera quand même le stylet, enfin c'est plein de trucs. Non, quoi. C'est possible de le faire. Mais admettons que Nintendo commencerait, c'est improbable, ça n'arrivera jamais je pense. Mais commencerait à développer ses jeux et à proposer ses jeux sur Android, sur iPhone, sur... À ce moment-là, la DS perdrait aussi de son intérêt. Si on avait les mêmes jeux sur... Il y a un aspect aussi auquel on n'a pas parlé. Surtout, je veux dire, avec la DS, ce qui en fait son succès, c'est l'interactivité entre les consoles. Oui, mais avec les smartphones, tu peux l'avoir aussi, l'interactivité... Oui, mais peut-être pas dans les mêmes proportions que ce qu'on peut rencontrer avec la DS. Je veux dire, maintenant, les DS, tu prends certains jeux, le jeu se met en veille, tu la laisses dans ton sac, tu te balades avec, tu rentres chez toi le soir, tu reprends ton jeu, tac, ah, rencontrer autant de personnes, ta, rencontrer leur DS, j'ai reçu tel bonus, j'ai eu ceci, cela. Oui, tu plus gros parce que tout le monde a son smartphone. Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Le sens de ma question, je suppose que vous voyez où je veux en venir, mais c'est qu'est-ce qui pourrait encore, je veux dire, quel est le plus que pourraient apporter les consoles si ces jeux en question, ces grossissants, l'univers Nintendo était déplacé, par exemple. Je prends l'univers Nintendo parce que la PSP a un peu moins de succès, on doit pas me l'avouer. Mais pourtant, je trouve que ce serait plus facile de prendre avec la PSP parce que Nintendo a un form factor tellement différent. Mais justement, c'est ça, je pars du postulat que Nintendo décide d'arrêter de protéger, je veux dire, ses licences, d'arrêter son petit univers, d'avoir deux et de s'ouvrir, de faire une console plus normale. De s'ouvrir et de commencer à développer sur des smartphones, à proposer des alternatives sur iOS, sur Android, tout ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait encore attirer faire des consoles portables qui seraient uniquement consoles? Rien. À part que ça tue ça pas la batterie. Ça n'arrivera jamais. Ça, n'arrivera oui, jamais, ça, doute, ça aussi, c'est un critère. Disons que. Quand le jeu vidéo, il n'ira jamais. Moi, si je veux aller quelque part, Sony, par contre, est beaucoup plus. Sony, bah oui, Sony est une multinationale qui travaille dans plein de domaines. Donc, oui, effectivement. Eux, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Et un jeu comme Infinity Blade ressemble à un jeu PSP, quoi. Pas un jeu DS ou 3DS. On verra la 3DS. C'est vrai que je prends Nintendo exprès parce que c'est l'univers à part et ils sont pas encore dans ce. Je ne sais pas. Maintenant, il y a aussi une histoire de coût parce que, bon, je veux dire, un bête GSM pour téléphoner qui fait des belles petites photos, tu en as maintenant à moins de 100€. Les consoles de jeux portables, tu peux t'en tirer également à un prix raisonnable pour en avoir une. Que, bon, un smartphone valable pour faire. Tourner de bons jeux, on est dans quelle fourchette de prix entre 4 et 700€. Et ça fait combien de temps qu'on a des smartphones? On envoie des dizaines de modèles tous les mois qui sortent différents, des nouveautés, etc. Et on ne voit pas de baisse de prix sensible sur les modèles valables pour notamment tout ce qui est jeux. Donc là aussi, il y a ce facteur-là. On peut pas Maintenant, attention que le smartphone, c'est quand même... Le smartphone, c'est quand même un marché qui est en plein boom, c'est un nouveau marché en pleine expansion et entre guillemets qui se met en place. Au début, quand nous on se lançait vraiment dans l'informatique, quand ça devenait l'informatique grand public, c'était la même chose. Tu pouvais pas suivre au niveau financier. Tu investissais des milliers d'euros pour te trouver avec un PC qui, trois mois après, était dépassé. C'est ce qu'on voit actuellement avec les smartphones. Après un moment, là, les PC, ça se stabilise un peu. Maintenant, regarde. Maintenant, un ordinateur, tu l'achètes. Si tu achètes quelque chose de bon et que tu mets le prix, un an et demi, deux ans après, tu peux toujours jouer au jeu. Maintenant, regarde. Tu peux toujours jouer au dernier jeu. Le smartphone, est-ce que ça une DS d'occasion, tu en trouves d'occasion à 50 euros. C'est vrai qu'il là, il y a avec le chargeur. Quelque chose qui. Un GSM qui fait de belles photos. Voilà, il y a un qui fait de belles photos, etc. Pense à quelque chose, mais il a un point important qu'il y a là-bas. 60-70 euros. Donc, allez, pour 150 euros maximum, je m'en tire avec deux appareils qui vont me contenter pour tout ce que j'ai envie de faire. Maintenant, dans les smartphones de cette gamme de prix-là, tu n'as rien de vraiment valable. Vas-y, est-ce que tu as peut-être pensé à la même chose que moi? Déjà, pour revenir sur le prix des smartphones, on est quand même dans un pays qui est unique de ne pas avoir d'accord avec les opérateurs. Donc le prix... Parce qu'il est également maintenant... Ça arrive. Mais ça arrive depuis 3 ans. Légalement, ils peuvent, mais ça fait déjà un moment qu'ils peuvent faire des accords couplés, comme ça. Et qui ne le font pas, ça fait plus d'un an maintenant que la loi est passée et votée. Ah, donc, ça arrive, je vous explique peut-être pourquoi. Après, on va en débattre. Enfin, c'est quand même un cas unique à la Belgique. Le prix des smartphones est fort différent dans les autres pays. Il est excessivement élevé. C'est élevé, je suis d'accord, mais moi, ça fait partie du coût de ta vie. Quoi. C'est pas sur ce point-là que je rebondis. Mais alors, le point, à mon avis, où on pensait, c'est qu'il y a... Le hardware évolue tout le temps dans les smartphones et c'est un problème, ça crée des problèmes. C'est le gros problème. Il n'y a pas de normalisation du format. Comment on appelle ça? La fragmentation, du marché. Tandis que, par exemple, c'est vrai, tu achètes une DS, tous les jeux qui vont sortir aller, DS pareil, vont fonctionner dessus de la même manière. On a eu plusieurs versions de DS. Alors, si acheter un téléphone Android, les derniers jeux DS tournent sur les toutes premières DS. Pareil pour les PlayStation, les PlayStation portables. C'est ça l'avantage aussi des consoles et de... Ouais. C'est, ta console va tourner avec des jeux pendant plusieurs, au minimum, 4 à 5 ans. Ouais, avec la même console. Tu dois le changer tous les ans ou tous les 2 ans, grand maximum. Voilà. Avec un réinvestissement, puisque il va dévaluer fortement entre le moment de son achat et de sa revente éventuellement pour un nouveau. Donc, la fragmentation, c'est le gros problème d'Android. C'est le problème actuel, parce que c'est vrai que, comme j'expliquais, le marché du smartphone, c'est en pleine expansion. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais je pense que ça restera un problème. Je pense qu'à terme, d'ici d'années, mais ça se stabilisera, comme le marché de l'informatique s'est stabilisé. Qui n'a rien à voir avec le débat actuel, mais je pense que c'est ce qui fait également le succès des iPhones, c'est qu'il y a moins de fragmentation des appareils. On a un nouvel iPhone toutes les années. C'est un autre débat, mais tu as raison. Je suis d'accord. Un appareil qui reste valable pendant toute une année. Les gens n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin de... Est-ce que je prends celui-là? Est-ce que je prends... Non. Je prends un iPhone, j'ai un iPhone. Tel quel, j'ai le noir. Mais c'est un autre débat, parce que c'est vrai que c'est le problème du fait qu'Android soit plus ouvert. C'est un autre débat, c'est vrai. Android, moins que ce qu'on pourrait penser, mais c'est un petit peu le problème. On va tout doucement, parce qu'on approche de l'heure, en fait. Ouais. C'est quand même un bon gros débat, on va dire. Donc, même si Chauve a un peu moins participé, je vais vous demander votre avis à tous. Parce que Monsieur Chauve, désolé, on a parlé un peu plus tech pour le coup. Moi, je m'en fous, mais. Je vois que tu t'en fous. Je vais juste poser deux petites questions finales et en clôture, deux questions très simples. Tout d'abord, est-ce que vous avez une console de la dernière génération, que ce soit portable ou de salon, c'est-à-dire la 7e génération, donc c'est-à-dire Xbox 360, PS3, Wii, DS ou PSP? Chauve? Moi, j'en ai une et demie. C'est-à-dire? J'ai une 360 et la DS de ma femme. Ouais, donc, d'accord, t'as une portable, donc t'as la portable et t'as la 7 de salon, quoi, tu veux. Morphal, Une DS, une PSP, une PlayStation 3. Et Monsieur Stetson? Une DS, Xbox 360 et PS3. Ah, donc t'as quand même une DS. Ah, mais je suis étonné là, donc tu vas quand même. Tu joues avec ou c'est. J'ai joué à un moment, mais je joue très peu avec. Tu joues avec de temps en temps quand tu es venu chez toi. Quand ils ont sorti la DS Lite. Donc je sais plus quand c'était, mais. Parce que la première DS, elle était vraiment trop laine. Elle était aussi très imposante à transporter, la batterie ne tenait pas. Voilà, ça aussi, c'est la DS, la première DS, tu pouvais pas la transporter, c'était une brique. Là, personnellement, j'ai vu récemment une de mes nièces qui a la DSi XL. C'est beau, mais c'est vrai que c'est transportable. Maintenant, je trouve que ça a plus de logique dans le sens où tu joues chez toi, pourquoi pas avoir des plus grands écrans. Effectivement. Enfin, ça, bon, on va pas revenir au débat. Là encore, la question. Et j'ai Kinect aussi. Comme ça, tu pourras te moquer. Tu danses sur Kinect. J'aimerais bien une vidéo un jour quand même pour publier sur le site. Non. Alors, la grande question finale, comme ça on va clôturer ce. Comment on va clôturer ce débat? Donc, la grande question finale, si quand les prochaines générations arriveront enfin, d'ici quelques années, donc si on aura une Wii HD, Wii 2, on parle de Wii HD plutôt parce que non, pas encore. La Xbox. Elle devrait sortir. Quand tu parles de génération, tu parles de nos enfants ou... Non, génération de console. On a la 7ème génération ici, si tu avais écouté, donc la 8ème. Donc la Wii HD, la Xbox 720, ouais. Pour rester dans l'original, ou la PS4, admettons, ouais. Quand ces machines sortiront, est-ce que vous pensez que vous investirez dedans, que vous les achèterez, et si oui, pourquoi? Quelqu'un? Chauve? Est-ce que tu crois que tu ferais l'investissement? Probablement, mais pas au début, pas la première année. Quoi. J'attendrai que le prix se calme un petit peu. Comme sur les consoles ancienne génération, quoi, en fait. Mm-hmm. Tu resteras dans la même logique de. Ouais, je me jetterai pas dessus, quoi. Mais ouais, probablement, j'y passerai un jour. Moi, c'est pas tellement une question d'attendre que le prix baisse. C'est d'attendre déjà de voir ce qu'il y aura comme soft proposé dessus. Ouais, mais ça, et de voir également les premières versions. Toujours attendre la version light, on va dire, de la console. Donc la version revue et corrigée de du hardware. Ce que j'aime bien justement, c'est que entre guillemets, on a toujours nos vieux réflexes de gamer de se dire. Attendons de voir le line-up, une fois qu'elle sera lancée, que le prix baisse peut-être un petit peu, que ça c'est le vieux réflexe des vieilles consoles, et en même temps se dire, ah, il y a une version slim qui va sortir, parce que ça c'est tout récent, c'est quelques dernières consoles qu'on a des versions slim. Non, depuis la PlayStation 1 quand même. Hein. Oui, là, il y a la PlayStation 1 a subi. Je pensais la PS2, mais c'est vrai qu'il y a eu la PS1, mais je trouve que c'était la PS2 a subi 3 liftings. Hein. À l'heure actuelle, c'est surtout à la PS2, on peut lui accorder voilà. Ce que ça appelle. Voilà, c'est plus maintenant. Et à l'heure actuelle, avec les mises à jour des OS, parce qu'il y a des instabilités. La PS1, c'était un peu à part, on va dire. C'était un petit coup d'essai de Sony, un peu à part. Donc c'est vrai qu'on a les deux tendances à l'heure actuelle. En fait, non. La Mega Drive avait déjà reçu une version slim par rapport à sa version de base. Mais c'était quand même vraiment pas. Non, c'était pas la même chose. C'était pas du tout. Là, tu rends d'autres choses. C'était pas le même. Oui, mais disons la même qu'ici, façon de procéder, de proposer une version light et de. Bon, pour le gamer, pas le fanboy qui ne sait pas se retenir, mais pour le gamer qui réfléchit un petit peu, une nouvelle génération sort. On laisse les titres venir, passer en platinium, histoire de ne pas devoir saigner les veines pour. Ça c'est le gamer réfléchi qui passe son portefeuille. Ouais, attendre au moins une première révision du hardware de l'appareil, ne serait-ce que pour les premiers bugs, les premières malfaçons. Mais entre guillemets, les vrais façons de parler, les plus hardcore gamers, c'est vrai que. Moi, je suppose que toi, si la prochaine version sort. Un jeu que je veux, je l'aurais acheté. Si par exemple, parce qu'on parlait de Gran Turismo dans le précédent podcast, admettons la PS3 sort avec en line-up GT6, Je l'achète le jour même. Tu l'achètes le jour même, quel que soit le prix. Ouais. Même le prix pour l'avoir avant s'il faut. Ouais, pas 200 euros, mais. Je suis un peu plus modéré à ce niveau-là, mais. Disons que je ne me vois pas dépenser le prix plein pour un appareil qui, quelques mois après, de toute façon, va être disponible avec une réduction et peut-être des bonus supplémentaires qu'il n'y avait pas au départ. Et alors, je sais que c'est en fonction du line-up. Je vais terminer parce qu'on arrive à l'heure et je n'aurai pas à la dépasser, donc il nous reste juste 5 minutes. Pour terminer, pas en plus j'ai envie de pisser. Pour dire chacun de tour d'entre vous ce que vous attendez, ce que vous imaginez pour les futures consoles, pour la PS4, pour l'Xbox 720, pour la Wii HD, selon vous, enfin vos prévisions entre guillemets, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui sera le fort de ces consoles là, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir des consoles de jeux? Je suis pas chauve par exemple, allez, on va, puisqu'on commence par toi depuis tantôt. Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir, dans ta boule de cristal? Ce que je vois ou ce que j'attends? Les deux, tu peux comme tu veux. C'est ce que j'attends au niveau de ce que j'attends. Moi, j'ai jamais été un fan de la course à la technologie, donc les super beaux graphismes et tout, je m'en tape un peu. D'ailleurs, donc, pour l'info qui n'intéresse pas du tout les auditeurs comme d'habitude, mais juste après ce podcast, on va aller brancher la Dreamcast. Exactement. Et se faire des virtua tennis à foison. Voilà, ou des parties de Soul Calibur ou de. Voilà. Mais non, moi, j'attends simplement la continuité, quoi, le même style de jeu, sans force, avec les évolutions graphiques normales, mais sans plus. J'attends pas. Rien de particulier, quoi. Non, des jeux que tu prends du plaisir à jouer, en fait. Voilà, l'essence même du jeu. Ouais, voilà, ça. Quand je joue, je me mets. Je crois qu'on a le même avis à ce niveau-là. Monsieur Morphal, qu'est-ce que tu attends de particulier? Qu'est-ce que tu imagines pour les futures générations? J'imagine pas grand-chose, en fait. Il y a juste un souhait que je voudrais voir réaliser, c'est un retour vers les sources. Ce qu'on a connu avec les plus grands jeux, c'est-à-dire des jeux complets, pas des jeux auxquels on est obligé de rajouter des suppléments pour avoir quelque chose d'un peu valable. C'est plus un souhait qu'autre chose. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est plus un souhait qu'autre chose. Et revenir à des jeux qui ont été pensés et qui ont une certaine qualité et une bonne finition. Parce que c'est vraiment pas la tendance pour l'instant. Par quelques exceptions, mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de foutage de gueule à ce niveau-là de la part des éditeurs, certains éditeurs en particulier, et je trouve que c'est un petit peu dommage. On est loin des Sonic et autres licences qui fonctionnaient très bien, qui étaient très ludiques et qui avaient une bonne durée. Et qui sortaient en étant vraiment terminés, oui. En étant terminés. Ça, c'est un débat qui. Voilà, donc mon souhait, c'est revenir à quelque d'ailleurs, chose de petite complet. Information, cher auditeur, venez vous inscrire sur bg-show.be. Et je fais de la pub. Ouais, c'est tout à fait, t'as raison. Venez vous inscrire sur le forum et n'hésitez pas. On a justement un débat en cours sur le DLC. Une grosse tartine, un bon gros débat. Donc, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez absolument pas. Faut que ce soit une tartine ou si tout le monde fait des tartines. Non, vous pouvez poster même deux, trois mots. C'est bon, les tartines. Alors, Stetson, comme ça, on clôture. Avant l'heure, ça va être juste, mais vas-y. Non, pour la prochaine génération, je ne sais pas trop. Je n'ai pas une idée spécialement. Pour cette génération-ci, je trouve qu'en particulier Kinect peut apporter des trucs que j'aimerais bien qu'ils apportent. Faut pas sur des jeux Kinect uniquement, plutôt comme accessoire pour jouer à d'autres jeux. Quoi. Arrêtez un peu les gros débiles à danser autour de la table. Donc, de faire du face tracking, de pouvoir l'utiliser la voix. De pouvoir l'utilisant dans d'autres jeux en ayant un pad à la main. J'aimerais bien ça pour le futur de cette pour expliquer à nos auditeurs quand même pour ce qui perturbe cette scène, c'est que Chauve et moi nous sommes en train de danser pour montrer comment on imagine cette scène devant un Kinect. Voilà, ben donc je vais. Moi j'imagine pas, ça gâcherait le plaisir. Je veux le voir une fois, mais j'imagine pas. On est à 20 secondes de l'heure, donc je vais clôturer ici, comme ça on aura. Je serai dans les temps que je vais te dire. Bon bah salut. C'est ça une dernière chose à ajouter? Tu as une dernière chose Non, ça va. C'est caca. C'est parfait, donc on va passer à vitesse à une petite info. Messieurs, s'il vous plaît, on va passer à vitesse à une petite info à la con, et puis on fera le blind test pour terminer en beauté ce magnifique podcast. Donc c'est parti, l'info à la con. Ladies and gentlemen, please silence. This is the info I like. L'info à la con. C'est l'info à la con. Voilà, donc deuxième petite info à la con de la soirée, petite interlude. Ici, c'est peut-être pas à la con, parce qu'il faut quand même lui reconnaître un certain talent. Donc j'ai juste envie de vous parler. Je vous fais un petit peu. J'ai juste envie de vous parler. De Chauve, voilà. De Chauve qui, lors de sa prime jeunesse, courait nu dans les champs. Qui gambadait. Non, bref. Oui. Recentrons-nous. Donc, est-ce que vous voyez ce que sont les certifications? Les certifications Windows, Microsoft, les certifications Linux, tout ce type de choses. Vous voyez à peu près tous de quoi il s'agit? Non. Je trouve que tu ne vois pas. On voit le geek et les pagues. D'accord. Ben, c'est une sorte de certificat qui est attribué par une société. Par exemple, les certifications Cisco, admettons. C'est la société Cisco, en fait, qui te fait passer un énorme test sur leurs produits, sur les réseaux, parce que c'est une entreprise. entreprise de réseau essentiellement, mm-hmm. avec énormément de questions. Et quand tu réussis, tu as une certification qui te prouve que tu sais utiliser leur réseau. Oui, ok, et que... je connais alors. Mais c'est généralement très hard. Hein. C'est juste le terme que je connais pas. Et bien ici, est-ce que vous connaissez également. Je vais nous faire un bisou. Je vais nous faire. T'élèves. D'accord. Ouais, bon, pour les enfants, s'il vous plaît, arrêtez vos. Cette sonne vient de me faire un bisou. Arrêtez vos homosexualités. Est-ce que vous connaissez enfin aussi Red Hat, la distribution Linux ? Non. C'est une distribution Linux assez reconnue, on va dire. Enfin, bref. Ouais. Enfin, qui était, qui, ça c'est un autre débat. Mais il y a une fillette de 10 ans qui vient de réussir en fait à passer, à obtenir le certificat, à passer la certification Linux Red Hat. Encore une no live. Oh, là, je bande. Donc il faut, pour l'information quand même le livre, il faut savoir que cette certification est un test qui dure pendant 6 heures. Et seulement une heure est attribuée pour répondre aux questions à choix multiples, en fait. Les six autres heures, en fait, tu réponds à soit des questions très générales, mais t'as vraiment qu'une heure, ou tu prépares, mais t'as qu'une heure pour répondre vraiment au questionnaire choix multiples. Donc apparemment, c'est vraiment un questionnaire assez hard, assez poussé. Ben, la gamine ici de 10 ans a réussi avec un score de 178 sur 200, qui est un score apparemment très élevé dans ce genre de... Donc, chauffe, ça va peut-être pas te plaire, c'est... Elle s'appelle M... Elle est pas canadienne. Non, elle n'est pas canadienne, je ne tracasse pas. M. Lavinacheri. Je suppose que ça se lit comme ça. Elle vient d'une malaisienne. C'est la sœur de la déléguée ONU. Indienne. Non, elle est indienne, mais ce n'est pas la sœur de la déléguée ONU, non. Ils ont des PC dans les bidonvilles. C'est chaud. Blagracis avait dit qu'il pouvait. Ah bah, attends, ils ont des PC, mais pas le courant pour le faire. Voilà, j'ai pas su en placer une seule. Même les blagues pédophiles, j'ai pas su. Quoi. Et la pédophile. Non, non. Alors dernière chose à dire à son sujet. Ça, 10 ans, c'est beaucoup. Mais dernière chose à dire à son sujet, il faut quand même noter qu'en 2008, alors qu'elle avait à peine 8 ans, elle avait déjà obtenu sa certification Microsoft. Mm-hmm. Donc elle n'était pas à son coup d'essai et on peut reconnaître que c'était quand même une grosse no life. Enfin, no life, je ne sais pas, mais. Bah, no life dans un bidonville, t'as pas grand chose à faire. Hein. Oui, c'est... Ah, c'est un peu... oui, voilà. Non, mais il faut quand même reconnaître que c'est un petit génie, quoi. C'est... Voilà, ouais. Je suppose que personne autour de cette table n'a une certification de cet ordre-là. Moi, je suis pas essayé. T'es pas une des 30 personnes qui a la dernière certification Cisco ? Non, j'ai essayé Cisco et je me suis arrêté au début, après deux cours, oui, exactement. C'était pas bon. Donc voilà, bah, on va quand même saluer cette jeune fille. Et on va passer alors maintenant pour... Elle a vraiment plein de qualités, à part, bon... D'être fait que ce soit une femme déjà et qu'elle soit indienne en plus. Merci, chaud. J'aime bien la blague misogyne aussi. Donc on va passer au blind test de M. Stetson pour revenir un peu plus sérieux. Donc, ici, le principe, c'est Morphal, puisque tu es notre invité aujourd'hui. Le principe, c'est qu'en fait, on parle un peu de tout, chacun notre tour, de ce qu'on a vu, lu, joué, entendu récemment, qui nous a marqué. On discute très brièvement, on donne un petit peu notre avis. Et c'est une manière un peu de conclure le podcast de manière un peu plus légère, on va dire, que de s'embrigader dans des débats sans fin. Et... Donc, on ne connaît pas les débats sans fin, nous. Non, le débat sur le jeu vidéo combinateur n'était pas sans fin, n'est-ce pas? Bon. On va commencer par toi, alors, tu es l'invité. Arrêté, hein. Hein, est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué récemment, que tu as vu, lu, entendu, joué, que tu aimerais bien. Dont tu aimerais bien parler? Il y a bientôt un nouveau Conan qui va sortir au cinéma. Enfin, qui est en production. Ah, je n'avais pas vu dire ça. Ouais, et l'acteur principal qui va incarner le rôle de Conan, rien à voir avec le film de Schwarzenegger, c'est. Celui qui jouait dans Stargate Atlantis, Jason Momoa, le grand baraqué qui a une bonne tête de sauvage avec ses dreadlocks et qui promet donc d'avoir un film intéressant. Je ne sais plus qui est le réalisateur, mais on a promis que on se baserait sur les écrits de Robert E. Howard pour refaire le film. Et donc, ça devrait théoriquement bien suivre l'esprit de l'auteur originel. Original, ouais. Voilà. Excusez-moi de... J'ai interrompu un peu Morphal parce que je vous ai des signes à Monsieur Chauve qui n'arrête pas de cliquer et on l'entend excessivement fort sur les micros. Ah, c'est bon. Je lui ai demandé gentiment d'arrêter de cliquer pour ne pas déranger les auditeurs. Utilise son trackpad. Mais voilà, utilise son trackpad s'il te plaît. Tu seras gentil. Donc un nouveau Conan, c'est... Conan. Conan. Voilà. C'est voilà. Ce qui t'a marqué récemment. Ouais. Non, j'ai rien d'autre... En particulier. Tu n'as pas regardé une série, tu n'as pas joué à un jeu qui Walking t'a marqué. Dead, The Walking Dead. Ça, on va faire un podcast. Très bonne série, très pour autant apparemment qu'on n'en ait pas vu le comics. Non, mais c'est acceptable même si tu as lu le comics. Voilà, ça reste c'est une juste bonne que série. Ça diffère très fort du comics. Ça diffère et quand ça... tu lis le comics, tu as tellement d'attentes que moi, personnellement, j'ai été déçu à la deuxième partie de la série. Voilà, est-ce que ça vaut la peine si on a lu le comics de regarder la série. Est-ce que si on a vu la série, ça vaut la peine de voir le comics? Oui, dans les deux. Ça, oui. Non, non. Moi, je suis plutôt pour le oui, dans le sens où on a vu la série, il faut lire le comics pour se faire une idée de ce que c'est réellement Walking Dead. Si on a lu le comics, la série, pour moi, plus dispensable. C'est quand même la seule série de zombies et l'ambiance est quand même bien faite. Ah oui, je ne dis pas, mais ça vaut la peine pour la deuxième partie est très dispensable pour moi. Ça, c'est mon avis, mais... Faut voir comment ça évoluera. Un peu molle et un peu... Je suis pour des digressions avec le comics originel ou un roman originel, mais enfin, de toute façon, ça, on y reviendra lors d'un prochain. Et je suis contre le forcing de la 3D sur la télévision de salon. Alors là, je crois qu'on va être d'accord aussi. Ouais, tout le monde est d'accord. Je suis pour la 3D dans certains cadres, les cinémas, peut-être le jeu vidéo, ça peut être intéressant. L'interface informatique contre... en 3D, ça peut être très intéressant. Contre la télévision. Moi, je ne veux pas de 3D où je dois mettre des lunettes à part au ciné de temps en temps. Quoi. Et encore. Vivement les technologies sans lunettes, d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est une des plus grosses gènes. Il y a des TV commercialisées et des GSM. Mais tout doucement. C'est pas encore très, voilà, très lentement. Mais ça arrivera. C'est aussi un peu le problème de la 3D actuelle. Pourquoi acheter une 3D où tu vas devoir utiliser des lunettes alors que dans pas longtemps, on aura une 3D sans lunettes? Et que les lunettes ne sont pas compatibles entre marques, entre TV, entre lecteurs. Et puis, des lunettes, si t'as une famille. Est-ce que tu commences dans des lunettes actives? Et puis, si tu veux inviter des gens à regarder chez toi, faut investir. On n'est pas prêt d'avoir. C'est moins convient. Oui, non, c'est pas encore. À l'ordre du jour, c'est pas encore assez. Faut être dans un point de vision. Il faut encore attendre un petit peu. C'est vrai que le forcing qu'ils font là-dessus est un Par contre, une chose intéressante, peut-être à dire, juste une petite anecdote là-dessus. C'est que Sony a déposé un brevet pour un système de 3D par lunettes, mais qui permet d'afficher des images différentes selon la fréquence que les lunettes ont. Donc sur une même TV, on pourrait envoyer par exemple l'image de la PlayStation 3 qui tourne, l'image d'un programme TV qui tourne et l'image d'un DVD qui tourne. Trois personnes avec trois paires de lunettes différentes pourraient regarder les trois programmes en même temps sur la même TV. Mais oui, bonne idée, enfin bonne. Mais au niveau du prix. Ça peut être une bonne chose, bah, évidemment, c'est un brevet déposé, donc voilà. C'est en cours de développement. Mais disons que c'est quelque chose. C'est une très bonne idée. C'est quelque chose qui peut. Si ça se prétend démocratiser, ça peut être une bonne idée. Ce n'est qu'un projet, un brevet déposé. Hein. Ça, tu pourrais regarder deux programmes différents. Attention avec les brevets, parce que. Déposer un brevet ne veut pas dire qu'il sera un jour réalisé. Regardez comme le Retour vers le futur, 50 chaînes de télévision lancées en même temps sur un écran géant. Pour ceux qui connaissent. Ouais, ouais. Mm. Bah, on a j'aime bien le picture-in-picture quand même. C'est pratique comme concept, mais on est encore loin des 50 images. Ouais, non, c'est pas encore. De toute façon, voilà, le futur qu'on voyait dans les années 80, pour l'an 2000, les voitures volantes, les. On habiterait des petites maisons en forme de dôme transparent sur la Lune. Les têtes qui vivent d'elles-mêmes dans des bulles. Bon, bref, on n'y est pas encore. Nicolas dans l'an 3000. Voilà. on verra. Sinon, rien d'autre de spécial. Rien de particulier. Rien de particulier. D'accord, on va passer à notre ami Chauve alors. Chauve, est-ce que tu as vu, lu, entendu, découvert quelque chose qui te. Pas particulièrement ces temps-ci, non. Rien de bien trépidant. De la musique que je peux accruster après en post-prod. Hein. Non, c'est assez calme pour le moment. J'ai rien de découvert qui m'a qui t'a marqué spécialement. Particulièrement accroché. Donc, tu mens, tu as découvert les baskets Adidas Stormtrooper. Exactement, oui, il y a 10 minutes. Bah, c'est déjà ça. Hein. Ouais, et là, je suis en train de customiser des Nike depuis une demi-heure. Pour dire aussi l'intérêt que tu portes à tes auditeurs. Mais j'écoute. Donc, Chauve écoute le podcast, mais d'une oreille un peu désintéressée, tout en se commandant des chaussures. Je commande pas, je customise. Donc, il y passe beaucoup de temps, mais non, je ne les achètera jamais. Donc, C'est que si, mais là, pour le moment, j'ai pas de thunes. Voilà. Tout est dit, je crois. Celles-là sont. Bon, ben, on va passer à quelqu'un qui aura peut-être plus de choses à dire, hein, non, monsieur Stetson. Je vais te décevoir. Ah, non plus, décidément. On va vite arriver autour de ta finale, alors. Ouais, ben. On peut parler. Les séries que j'ai regardées dernièrement, elles ont été dans le blind test que vous avez. Et on ne les connaissait pas, donc. Vous avez fait un épic fail, ouais, on peut dire. En gros, et là, c'est toi qui as fait un épic fail. Ah, ben, non, moi, je connais les séries. Hein. Pour une fois, tu vois, j'aurais pu répondre au blind test. Voilà, la dernière que j'ai regardée, c'était Misfits. Vous devriez essayer parce que c'est fort sympa. Ça parle d'où? Ben, c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent avec des super pouvoirs, mais c'est pas des super pouvoirs à la Heroes. Il y en a un qui peut se transformer invisible, mais il le fait qu'à certains moments. Une des filles, quand elle touche quelqu'un, la personne a envie de la baiser. C'est pratique, ça. un peut remonter le temps, mais uniquement à certains moments quand il y a un danger, quand il vient de se passer quelque chose. C'est très, très bien géré au niveau de comment ils gèrent le côté super pouvoir, mais c'est très anglais. C'est un niveau anglais. Ah, mais tu m'as donné envie, j'aurais bien. Il y a que. Il y a 6 épisodes d'une première saison et 7 épisodes d'une deuxième. Je trouve que c'est souvent sur les anglais, parce que moi, ouais, dans mon en vrac, j'allais parler de IT Crowd, où j'ai enfin fini la saison 4. Et c'est la même chose, il y a 6 épisodes par saison. Ouais. Tiens, je souhaiterais rebondir là-dessus. On parle beaucoup des séries anglaises, américaines, nouvelles séries, etc. On parle peu des séries françaises comme Hero Corp. Mais, c'est peut-être que ça. Pas la même qualité. Ça date peut-être un peu plus aussi. La qualité, c'est relatif. Moi, je trouve que la qualité de la série est excellente. Dans le sens où c'est bien filmé, c'est bien tourné. Il y a une recherche scénaristique. Bon, on adhère ou on n'adhère pas, mais il faut au moins l'avoir vue, parce que c'est une série qui a le mérite d'être de chez nous et d'essayer de refaire. Ouais, chez nous, ça, je encore. Ouais. Bon, voilà, ma foi, c'est pas important dans mon choix pour regarder quelque chose. Il y a plein de séries de chez nous que je ne vais pas regarder pour autant. Non, parce que, mais désolé, c'est une bonne série. C'est avec... française, il y en a énormément de qualité médiocre. C'est une bonne série qui est. C'est là, entre dans les bonnes séries françaises, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis entièrement d'accord. Qui vaut la peine d'être au moins approché par les gens. Voilà, au niveau qualité, c'est vrai que c'est plus discutable. Et je ne la mettrai pas dans mon top 10 comparé à certaines séries américaines ou anglaises que j'ai pu regarder. C'est sûr que si on compare à The Walking Dead, qui doit dépasser les millions de dollars de budget. The Walking Dead ne serait pas dans mon top 10 non plus, je te rassure tout de suite, hein. Il en serait loin. Parce que Walking Dead, sur 6 épisodes, 3 bons, 3 mauvais pour moi. Hein. C'est le résumé que j'en fais. C'est un peu dur, mais ouais, je trouve que Walking Dead est relativement décevant. Ah, je suis peut-être dur, mais c'est, voilà, moi c'est ce que j'en pense. 3 bons, 3 mauvais, moitié-moitié. Donc, mais Hero Corp a quand même un petit côté un peu cheap. Mais c'est ce qui fait son charme aussi. Donc oui, il y a des avantages, des inconvénients. Enfin, de toute façon, ça, il faudra qu'on. Maintenant, c'est vrai que je ne peux pas débattre de Hero Corp, étant donné que j'en suis à peu près à ma 24e visualisation complète des deux saisons. Donc je ne peux pas être objectif. Je ne peux pas être objectif. Pareil pour Kaamelott. C'est un fanboy asti, en fait. Ou même Star Wars. Bon, ce sont des choses que. Bon, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Là. Alors, justement, parce que. Bah, monsieur Stetson, tu avais terminé ouais. Parce que moi, dans le en vrac, il y avait un truc que je dois absolument placer, puisqu'il parle de Star Wars. C'est la sortie prochaine des coffrets Blu-ray. Moi, personnellement. C'est peut-être bête à dire, mais parce que je vais me faire arnaquer à tous les coups, j'en suis sûr. Mais j'attendais désespérément la sortie des 6 films dans un beau coffret. Et en DVD, ça n'est jamais arrivé. Ils n'ont jamais sorti un coffret avec les 6 films. Ce qui est incompréhensible, d'ailleurs. C'est totalement pas. Pourquoi sortir 3 mauvais films? Avec les 6 films de quoi? Les 6 films de Star Wars. Ils n'ont jamais sorti de coffret DVD de six films. Peu importe la qualité des films, le fait que jamais fait un coffret collector. Ressortir six mauvais films. Là, c'est dur. L'Empire contre-attaque et le retour du Jedi sont excellents, géniaux, qui ont fait. Non, il faut. On peut pas avoir des films qui ont impacté autant la culture des gens de notre époque. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec toi. Attends. Je suis d'accord avec toi sur la menace fantôme, par mais exemple. Mais j'aime bien, ça se regarde. Bon, non, mais... J'ai déjà vu plusieurs fois, mais bon. La menace fantôme, je suis d'accord avec toi. La menace fantôme est une sombre merde, ça, il n'y a pas d'autre mot. Non, c'est un bon film avec de gros éléments. C'est pas un bon film. La menace fantôme n'est pas un bon film. Non, la menace fantôme, non. Je ne te laisserai pas dire ça, non. Y a même de en fin de Star Wars, la menace fantôme est une merde. Il y a de bonnes choses à en retirer. Le troisième de la prélogie, entre guillemets, n'était pas bon. Il était acceptable, on va dire. Oui, non, c'est si, mais... Il était sympa. Mais le premier était mauvais, clones, le deuxième était très moyen. Mais l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, je peux pas... Mais oui, mais je voulais faire un peu de... Voilà, un peu de troll. Je vais te taper un peu. Un peu de troll, oui, d'accord. Donc voilà, moi, c'est la nouvelle que je retiens ici, c'est cette annonce-là, qui, moi, personnellement, va me faire dépenser un peu d'argent, je pense. Parce que même si, comme tout le monde, il y a moyen de télécharger... Piratage c'est mal, mais voilà. Ouais, le Blu-ray, avoir les six films en Blu-ray. Et personnellement, la future sortie 3D dont il parle, je n'en ai strictement rien à caler. Non, pour rebondir moi non sur plus de rebondir sur Monsieur Morphal, c'est très poétique. Mais je n'en ai rien à caler de la future sortie 3D, donc le coffret Blu-ray sera mien, je pense. J'en suis ouais, probablement si le packaging vaut le prix. Ouais. Quand même. Si le packaging vaut le prix qui sera vendu, ça peut valoir la peine. Étonnant. Et alors, deux petites choses avant, parce que donc le tour vite. Quoi, étonnant. Je dois parler d'autre chose. D'avoir un lecteur Blu-ray. Je dois parler d'autre chose, donc on va clôturer en vitesse. On va juste revenir sur deux petites choses que j'ai regardées récemment, deux séries. C'est-à-dire que j'ai regardé IT Crowd, j'ai enfin fini la saison 4. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être ça ne pourra que confirmer. C'est The série à regarder pour les geeks. Ouais, surtout au début, je trouve que ça baisse au niveau. Voilà, la plupart parlent de Big Bang Theory. Ah non, mais ça. Franchement, ça n'a absolument rien à voir, c'est d'un total autre niveau. Si vous êtes c'est geek, une vraie série de geeks. Si vous êtes geek, regardez IT Crowd sans hésiter. C'est très court en fait, donc même si vous ne verrez pas le temps passer de toute façon, c'est 6 épisodes par saison, donc c'est vraiment excessivement court. Mais Big Bang, d'ailleurs, je dirais ça en vaut vraiment la peine. C'est plutôt une série de nerds que de geeks. C'est plus des nerds. Hein. Ouais, clairement. C'est des gros donc, nerds. Tu vas, mais enfin, t'as déjà regardé IT Crowd de... Non, j'ai commencé à regarder The Big Bang Theory et les premières minutes donnent tout de suite le ton des gros nerds très typés, très stéréotypés. Ouais, un peu trop pour être réaliste, je trouve. Pendant The IT Crowd aussi, il est ultra stéréotypé. Oui, au début, c'est. Oui, mais ça. Voilà. Au début, ça semble ultra stéréotypé, mais. Surtout un des deux, l'autre. Au final. Mais. C'est Jason Ayoa, son vrai nom, je crois. Je sais plus. J'ai tombé sur son nom dans la série. Je vois le grand avec beaucoup de cheveux, un peu basané. Ouais. Voilà, pour faire un peu. Plus oui, tempéré que chauve. Il est très, très stéréotypé, oui, effectivement. C'est plus réaliste que Sheldon dans The Big Bang Theory. Il y a Roy et... Ouais, Roy. L'autre, c'est Roy. Roy, c'est un geek, quoi. Voilà, oui, c'est un gros geek. Un gros geek qui travaille dans le service IT d'une grosse société où il répète à longueur de journée « Allô, avez-vous essayé de redémarrer votre ordinateur ?» Ça te parle, ça. Hein. Oui, ça me parle. C'est peut-être ça aussi, c'est que ça me parle et ça devait parler à M. Morphal. En gros, le principe, c'est qu'à force de décrocher le téléphone, il a mis un magnétophone, ou il décroche, il met le téléphone sur le magnétophone, et le magnétophone dit « Allô, oui, est-ce que vous avez essayé d'éteindre et de rallumer votre ordinateur ?» Comme ça, inlassablement toute la journée, parce que, bon, voilà, c'est ce qu'on dit la plupart du temps. C'est connu, quoi, dans les services IT. Ouais. Sinon, dernière chose, rapidos, j'ai regardé enfin, peut-être la saison 5 de I Met Your Mother, parce que, voilà, j'avais un peu de retard. Et personnellement, voilà, c'est une série que j'adore. Ah, moi, je ne parviens pas à regarder cette série, je ne comprends pas. C'est quelque chose que je recommande. C'est viscéralement quelque chose qui me rebute littéralement. Je ne comprends pas. Je regarde. Moi, ça me fait saigner les yeux. Et, carrément. J'ai envie. N'exagérons rien. Tu as parlé des ça records. Ça stimule mon transit intestinal. Tu as parlé des records qui, pour moi, est quand même un cran en dessous. Hein. Je suis désolé. Moi, c'est ah non. Les records pètent un cran. Les records restent cohérents dans son univers. Ah ouais, Meet Your Mother. Les records cohérents. Oh, Meet Your Mother est beaucoup plus cohérent. Les acteurs ont l'air tous d'être homosexuels. Donc, non, il n'y a pas moyen. Je me dis comment il peut raconter l'histoire, comment il a rencontré la mère de ses enfants, puisqu'il est complètement gay. Mais après, c'est peut-être une idée que je me fais, parce que je n'ai pas pu regarder cette série. Attends. Le personnage principal, effectivement, est peut-être le moins intéressant et le moins. Étonnamment, je vais vous dire une chose. Étonnamment, puisque tu parles de gay, le personnage le plus marquant de la série, le plus populaire et celui qui me marque également le plus, c'est Barney Stinson. Et lui, il est gay. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai jamais regardé. Laisse-moi t'expliquer, justement. Lui, dans la série, c'est le tombeur. Il emballe femme sur femme toute la série. Et justement, dans la vraie vie, il est homosexuel. Alors que les autres ne le sont pas. Est-ce que... Enfin bref, moi, pour moi, c'est une série que... si vous voulez passer un bon moment, vous... C'est pas une série non plus, il faut pas se prendre la tête et réfléchir des heures pour regarder ça. Vous êtes dans le canapé un dimanche après-midi, vous vous faites chier, vous avez envie de vous occuper l'esprit, eh ben mettez 2-3 épisodes. Voilà. Okay. Et ça passera tout seul. Si. Voilà, bon, maintenant, chacun a son avis. Donc, on va clôturer là pour le en vrac. Et pour clôturer, on va peut-être dire aussi joyeux anniversaire. Oui, c'est juste. J'en oubliais presque. À notre hôte. La semaine prochaine. J'en oubliais presque. On est quand même là ce soir. J'espère que ce soit diffusé quand même avant mon anniversaire. Je mettrai un petit générique de joyeux anniversaire. Et donc, voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Kirby, parce que les auditeurs n'ont peut-être pas compris que. Oui. Que s'il s'agissait de moi et que vous parliez à moi. Maintenant, ils savent tout ce qu'on Ils ne vous voient pas. Voilà. Ouais, on enregistre chez moi, effectivement. Et c'est un Apollon, il nous fait tous dresser le zizi. J'osais pas te dire. Pas sûr à tout le monde. À Chauve et à toi, oui, mais Stetson, je ne suis pas certain. Stetson, il n'y a que sa main droite qui lui fait dresser le zizi. Il a trop joué de jeu, il a trop rire d'être serré, il fait plus que ça un zizi. Bon, donc bon, on va. Merci pour l'anniversaire, pour le petit message. On va juste, avant de faire terminer ce podcast. On clôture ici donc le en vrac. Juste rappeler quelques petites choses dont j'avais envie de parler en vitesse. C'est un gay. Chauve est pédophile et Morphin est un Apollon. Et on a appris aussi qu'il aimait bien les nécrophiles. Hein? Il a dit ça tout à l'heure, que le sexe avec les zombies, ça t'attirait. Ah oui, juste, c'est vrai. Non, mais théoriquement, c'est un débat à lancer, mais les zombies ne sont pas réellement morts. Donc juste pour rappeler, donc avant de clôturer, même si c'était mort. Hein. Ouais, rappeler quelques petites choses si tu veux, Mr. Stetson. On va juste quelques petits détails. Donc tout d'abord, vous pouvez bien entendu retrouver ce podcast sur les médias habituels. Hein. Sur iTunes, vous cherchez le Benjamin Geek Show, vous nous trouverez. Vous avez un site internet, donc il y a bg-show.be. Pour accéder au forum, là venez nombreux, n'hésitez pas. On commence des débats, on essaye de peupler le forum, on a besoin de vous, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. On a déjà que Stetson se bouge le cul et se mette à poster déjà. Ouais, ce serait bien. Et Monsieur Morphal aussi, tu vas venir t'inscrire quand même. Oui, c'est dans mes bonnes résolutions de 2011. Mais je vais ce soir. On t'inscrit ce soir, juste après le repas qui va Le problème, c'est qu'après, j'ai promis que comme bonne résolution, j'arrêtais de prendre des bonnes résolutions. Oui, mais quand même, le forum. Je sais pas comment je vais gérer ça. bg-show.be, venez vous inscrire. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent sur le forum. Et plus on sera, plus il y aura de choses intéressantes. Vous avez également accès par ce biais-là au blog du BG Show qui présente les différentes news et les différents moyens de nous écouter, de nous télécharger. Donc n'hésitez pas à venir non plus. Sinon, deux petites choses très rapides. La première chose, c'est que nous sommes en train de lancer d'autres podcasts. Enfin, nous sommes en train, pour ma part du moins. Donc, le premier, je vais quand même en parler parce que notre invité sera avec nous pour ce podcast-là. Donc, il s'agit de Télécom, qui est un podcast qui parlera de tout ce qui est high-tech, du monde des télécoms, que j'ai co-animé avec Monsieur Morphal et Monsieur Stetson. N'est-ce pas, les amis? Non. Non. D'accord. On a changé d'avis, on t'a Vous ne venez pas? Normalement, si tout se passe bien, s'ils veulent bien revenir, voilà. C'est un podcast qui sortira toutes les deux semaines, qui parlera en une heure rapidement des dernières news. Il y aura également un invité spécial, un chroniqueur supplémentaire à la personne de Cetex. Le beau Cetex. Voilà, une connaissance, Monsieur Chauve. Et sinon, je l'ai plus vu depuis des années, mais bon. Autre petit projet qui est en cours, mais qui lui prendra plus de temps certainement, c'est le podcast des images. Donc, qui est un podcast consacré à tout ce qui est bande dessinée, séries télévisées, animation. Le premier numéro est déjà disponible sur le forum du BGS. Donc, il parle de Kaamelott. Nous en parlons avec Monsieur Morphal et Monsieur Chauve ici présents. Elle est où la planète ? Elle est cachée ? Elle est bien cachée. Bon, allez, donc, venez le télécharger, n'hésitez pas. C'est une heure de vrai bonheur à écouter, je pense. Et Stetson, il faudra bientôt faire notre hors-série. Ouais, quelle hors-série ? Ah oui, bien entendu. Un jour, vous ferez votre hors-série consacrée au football US aussi. Ça, il faudrait avec toi dans le rôle du noob, pour une fois. Il faudrait songer, effectivement. C'est dans les nombreux projets dans les cartons. Ouais. Enfin, ouais. Ce serait, ouais. Un peu après. Ouais, et dernière petite chose, donc, ça, le podcast des images. Et alors, le site de ce podcast qui est en cours de programmation, mais qui est quasiment disponible, il devrait être disponible d'ici la diffusion de ce podcast. Changement d'adresse, c'est le monde des images en un seul mot.com. Mmh. Qui est beaucoup plus simple que l'ancien nom, une minute team qui était un petit peu compliqué, je l'avoue. Ouais. Donc vous pouvez vous rendre simplement sur le monde des images.com où vous aurez tout un tas de dossiers d'informations sur tout ce qui est BD, séries, télévisées et animation. Ils ont fort faim, donc je crois voilà. Donc je crois qu'effectivement, les invités ont fort faim car ça fait quelques heures maintenant qu'on enregistre, que M. Morphal va tomber là. Donc je vais vous dire au revoir. Alors on se retrouve le mois prochain, au mois de février, pour le prochain enregistrement. Donc Monsieur Morphal, merci d'être venu. Bon appétit. On se retrouve sur le projet Télécom alors, et peut-être un podcast des images consacré à Aérocorp. C'est pas certain. Avec joie. Et Monsieur Stetson et Monsieur Chauve, alors on se retrouve d'ici au mois de février pour enregistrer le numéro 5 de BGS. Si je peux me permettre, je dirais pour conclure, n'essaye pas, fais-le ou ne le fais pas, et il n'y a pas d'essai. Merci Chauve. Au mois prochain. Salut. Madame, monsieur, bonjour. C'est le numéro 10. 10 comme disco. Ah, ça. Dégage. Rien n'a changé dans nos habitudes. Ah, disco. C'est une épicerie chez les vendeurs des carottes. Ah, les bougies. Quel âge. On va faire la fête, on va s'amuser et on va bien rigoler. On a tout ce qu'on a, chips, yes. Hein. La tata, le jour d'un coup. Zakowski. Vendeurs des carottes. t'es quand même un sacré paysan, t'sais, mon ami. Hey, dis-toi, tu aimes la musique, oui? Eh bien, essaye de pas foutre le feu à ta chambre avec ton CD au lancer. C'est dans les vieilles cartons qu'on fait les meilleures soupes. Disco. C'est l'âge. La valeur n'attend pas le nombre des années. Souffle les bougies, doucement avec les bougies, hein. Tu sais ce qu'il m'a donné, je sais. Ben, une couche pour manger. Encore que... Quoi ?